Est-ce que tu aurais une petite capsule pour le départ? Presque. Hey, bienvenue dans... Oh, je viens de tuer le... je recommence. Hey, bienvenue dans l'épisode 18 de la saison 3 de Road to Hellfest. Nous sommes mardi 23 avril 2019. Il fait à peu près bon degré dehors. Et je suis en compagnie de Bob. Comment ça va bien, Bob ? Salut à tous. Ça va super bien. Eh ben, ça me fait plaisir. Eh ben, moi, pareillement. Et du coup, cling, cling, clung ? Eh ben, tout à fait. Alors, écoute. Cling, cling. Alors, je tiens à saluer notre sponsor de la semaine, qui n'est autre que moi-même. Donc, j'ai payé avec ma propre carte bleue. Ça change. Ça change. Donc, ce sont des Pale Ale. Ah, des Pale Ale. Le nouveau produit de Grimbergen. Qui ressemble beaucoup à la Lef. Non. Que je... Si, si, si. Ah, non, si. Je ne suis pas du tout d'accord. Parce que... Tu vas dire quoi, la lèvre de printemps, là? Ouais, celle que j'avais. Je ne suis pas du tout d'accord. Si, si. Ah, si, si. Allez, arrête tes conneries. Changeons de sujet. Oui. Passes-tu une... Ou as-tu... Ouais, je passe une bonne semaine. Ah bah, ça me fait plaisir. Ça fait pareil, du plaisir, c'est sympa. As-tu vécu des choses follement drôles? Oh, il y a un moment où j'étais en train de... Et puis le gars, il fait « Ouais !» Et là, pff, pété de rire, quoi. C'était, ah ouais. Ah, c'était génial. On sent la tension du direct. Ouais, complètement. Ah ouais, ouais. Ah, j'aime bien. D'accord, très bien. Eh ben, je te propose de tout de suite enchaîner parce qu'on a une petite émission, mais il faut quand même. Ok. Faut quand même y aller. Ouais, c'est ça. Alors, petite question. On a raté le. Enfin, on a raté, on n'en a pas parlé, mais il y a eu le dernier album d'Acme qui est sorti. Oui, bah oui, j'ai vu ça, que t'avais mis ça. Tu l'as avec. Ah oui, surtout moi, ouais. D'accord. Est-ce que comme tu vas l'écouter? Parce que là, cette semaine, il y a l'album de The Damned Thing qui sort. Oui, tout à fait. Que ça, tu attends avec patience. Que j'attends. Bon, t'as dit que t'allais presque l'acheter. J'attends avec patience. Ah, une nouvelle conquête. Du coup, est-ce que tu vas faire l'effort de... Le dis pas, parcimonie. Est-ce que tu vas quand même pouvoir essayer d'écouter l'album d'Acme? Bah écoute, je vais faire l'effort. Très bien. Comme eux, d'ailleurs, c'est... On fait un effort. Ça. Ah. Bon, bah, je te propose de passer à la rubrique New. C'est beau. Donc, j'ai commencé. Après plus du tout de nouvelles de Rammstein, c'était il n'y a pas que le... Rammstein. Alors, j'ai travaillé ce matin. En plus. Et j'ai dormi que 3 heures. Ouais. Hein, donc, ce matin. Toi, public qui est derrière ce podcast, oui. Bon, on peut dire ça comme ça. Sois tolérant, je t'en prie. C'est ça. Alors, après plus du tout de nouvelles de Rammstein... C'est-il pas que le groupe commence à se révéler. Après un premier single, Deutschland, et l'annonce de la sortie du nouvel album qui comprendra 11 titres et intitulé Rammstein, donc titre facile à retenir dans le cas où ils auraient peur qu'on se trompe d'album à cause de leur sortie si rapprochée. Le dernier album remonte à 2009 quand même. Bref, après la date de sortie, c'est le 17 mai, donc c'est quasiment demain, l'album a commencé à se faire teaser un peu plus avec 11 teasers d'une vingtaine de secondes chacun. Et tu peux donc déjà précommander l'album sur le site du groupe. Petite particularité qui m'a doucement fait rigoler, tu peux trouver sur leur merch 2 bouchons de lavabo estampillés au logo du groupe. Génial. Vraiment, c'est le truc bouchon avec tout le... Avec la chaîne et tout. Alors, pas la chaîne, mais avec le truc en dessous, avec le filtre. T'as vraiment cool. Ah ouais, non, vraiment. Ah, j'en veux. Ah bah, je t'en prie. Bah, vas-y. C'est parti. Il y a le lien d'ailleurs, hein, si tu veux cliquer pour voir. Oui, mais catalogue, d'accord, W.A.S. East. Voilà. D'accord. C'est cool. Voilà, j'ai pas écouté les teasers parce que je vois... ça m'intéresse pas trop, moi, en fait, d'écouter des 20 secondes de morceaux. J'en suis pas arrivé là encore dans ma vie. Moi, tu préfères écouter les morceaux quand ils sortiront. Ouais. Non, parce que je me dis, ah tiens, celui-là, il a l'air sympa. Ouais. Frustration, bim, paf. Oui, non, mais surtout que là, on a attendu assez longtemps. Je pense que je peux attendre encore une quinzaine, 3 semaines de... 3 semaines, ouais. Ouais, un peu plus. Un petit peu moins. Ouais, un petit mois quand même. Oui, mais je crois que ça. Bref. Oh, je vibre. Oh, oh, ça faisait longtemps. C'est cuit. Je t'en prie. Il y a quelques semaines, nous annoncions du possible nouveau matériel pour Mastodon. C'est vrai. Ben voilà, nous avons eu le droit à une version de Stairway to Heaven, une reprise en l'honneur de leur manager décédé en septembre dernier. Ce qui est triste. C'est triste. Une reprise intitulée Stairway to Nick Jones et qui s'est faite dans le cadre du Record Store Day. Ouais. Donc on l'a un peu écouté avant de venir Et même toi-même. Quand on était là. Et c'est Stairway to Heaven, quoi. Voilà. Ni plus ni moins. Il n'y a pas de pâte mastodonte par-dessus. C'est ça. Donc, je vais éternuer, donc vas-y. Bon éternuage. Donc moi, je vois pas trop le truc. J'ai pas trop compris, en fait, le pourquoi du comment. Bah, c'est un hommage. Je trouve ça vachement personnel. Non, mais après, je trouve ça vachement personnel. On voit bien, hein, on a bien vu lors du décès de cette personne qui était leur manager, qu'ils étaient vraiment affectés par ça. Mais j'ai pas, je ne l'ai pas connu perso, donc du coup, ça ne m'a pas plus touché que ça. Ouais, mais c'est une manière de marquer le coup à leur façon. Comment tu as marqué le coup quand tu es Mais comment nous, ça peut nous toucher, du coup? Je ne suis pas sûr que ce soit le but de nous toucher. Bah ouais, enfin après, c'est quoi le but alors du coup de... C'est un hommage qui reste, sous cette forme-là. Ouais, enfin ça, ils le font entre eux, quoi. Ouais, après... Bah après... Tu vois ce que je veux dire, quoi, c'est pas... Ouais, bah après, peut-être, je sais pas... Quand ils sortent des albums, c'est pour partager avec nous. Ouais. Là, ils ont fait... Mais là, c'est une reprise. Oui, mais c'est quand même pour partager avec nous. Ah, ils partagent. Ils partagent leur peine avec nous. Oui, là, je pense que ça fait plus partie de... C'est quand tu dédicaces un truc à quelque chose, tu vois, on dédicace cette reprise. Ouais, voilà. Les mots s'envolent. Les images restent. Les images restent. D'accord. C'est ça. Non, je sais pas. Moi, ça. Non, moi, j'ai pas compris le truc, mais bon, après, voilà, ça n'engage que moi. Tout à fait, tout à fait. Moi, je m'en suis un peu tapé le coquillage. Mais... Ah. Parce que j'aime bien la mer. C'est ça, pareillement. Alors, je ne suis pas fan de gastro. Ah, moi, j'aime bien une bonne gastro. Je préfère le dire, parce que, comme j'aime à le dire, je partage dans ce podcast. Donc, je ne suis pas fan de gastro. D'accord. Bah, surtout à cause du vomi. Parce que c'est en fait, on peut avoir plusieurs façons au niveau de la gastro, on peut être touché de plusieurs manières. C'est vrai. Et moi, c'est le vomi le problème. J'ai un problème de non-acceptation de ça. Ah, d'accord. D'accord. Bah, c'est le cire humaine. Mais après, c'est chacun. D'accord. Mais il n'y a pas de. Enfin, ça ne se transmet pas le cire humaine. Ah non, mais moi, c'est. Je sais pas. Tu peux pas ? Je sais pas. Tu peux pas en avoir ou tu peux pas l'enlever ? Ouais, non, c'est ça. Ok. Ok. Ouais. Mais par contre, j'aime beaucoup Ultra Vomit. Ouais. C'était comme une espèce d'intro. C'est ça. D'ailleurs, Ultra Vomit qui passe ce week-end à Laissé. Non, pas Laissé. À côté de Cherbourg. Au Pieux. Ah, bah oui, c'est ça. Oui, j'avais vu cette date. Mais après, bon, voilà, on n'a pas trop le... D'accord, on n'a pas trop. Donc, j'aime beaucoup Ultra Vomit. Et je tiens à souligner que c'était quand même la meilleure intro de news depuis... Là... Depuis, il y a 3-4 secondes. Facile. Ouais, je pense, ouais. À peu près. Ouais, ouais. Donc, nous en connaissons un peu plus sur la sortie prochaine du CD-DVD, CD Blu-ray et vinyle DVD du groupe intitulé Très classe. L'Olympputain de Pia. Et il sortira le 31 mai. Le concert a été enregistré le 13 octobre 2018 à l'Olympia. Merci Bob. Où à l'Olympia. Désolé, j'étais en train de me gratter là. Où ça? À l'Olympia. À Paris. Oui, merci. Il comprendra 31 titres et qui aura comme petit bonus sympathique le concert à l'Olympia avec les commentaires audio du groupe. Paris. Toujours. Le tout premier concert du groupe, pas forcément à Paris, mais peut-être. C'est ça. Une interview vérité et c'est tout. Alors comment, déjà, est-ce qu'on peut noter que le côté CD-DVD, CD Blu-ray et vinyle DVD, c'est pas mal. Permet quand même d'avoir les deux. Ouais, un vinyle DVD en plus sur ma platine, ça va en jeter. Quoi. Ah bah, moi j'ai super. Bah oui. Ça fait longtemps que t'en avais pas eu en plus. Bah ouais, mais je crois que j'en ai jamais eu, ce sera le premier. Bah alors ? Bah ouais. C'est ouf ? Bah c'est dingue. Du coup, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ? Bah écoute, je sais pas, ouais, à voir, pourquoi pas. Très bien. Pour l'instant, j'hésite, je me tâte, je sais pas encore trop bien, je vais certainement réfléchir. Ouais. Bah t'as encore un peu le temps. C'est ça. Il y aura le nouvel album de Rammstein avant, mais... Oui, bah écoute. Bon, bah écoute, news suivante. Ah, mais tu connais Sabaton, Festif, Verdun, Grande Guerre, tout ça. Ça te parle? Ouais. Ouais, cool. Bah, moi, tu sais, tes groupes de cœur, je les connais par cœur. Oh, génial. C'est beau, tout ça. Eh ben voilà, un premier extrait sous la forme d'un clip officiel est sorti hier soir, du nom de Bismarck. Un titre qui n'apparaît pas sur le futur album, nouvel album, pardon. Car en fait, c'est un cadeau du groupe pour ses fans. La chanson a été enregistrée l'été dernier. L'été dernier, ouais. Et ça faisait longtemps que le groupe voulait raconter l'histoire de la cuirassée allemande. De ce cuirassé allemande. Qui est. Parce que la cuirassée allemande. Ouais, attends. les fouets, tout ça. C'est... Oh, en même temps, la petite cuirassée allemande. Tu m'as perdu. Oh, donc, de ce cuirassé allemand, qui est l'un de plus... Oh, putain, la vache. Pareil, j'ai bossé aussi aujourd'hui. Ah, bah, c'est la reprise, hein, je suis désolé. Qui est l'un des plus grands jamais construits en Europe. Condamné en... Commandé, putain la vache, commandé en août 1940 et coulé en mai 1941 après une intense chasse dans l'Atlantique Nord. Tu veux que je la termine peut-être? Qu'est-ce qui se passe? C'est de l'écume au bord des lèvres. C'est dégueulasse. C'est la bière, je pense. J'en ai bu qu'une pourtant, c'est fou. Et donc, le clip est une représentation d'une bataille navale assez... que tu pourrais reproduire dans le jeu of Warship. Warships, pardon. Un jeu de bataille navale. C'est donc une association entre le groupe et le jeu. Une espèce de vidéo sponsor. J'allais lire autre chose. Si l'on peut dire. C'est quel jour tes cours de, d'orthophoniste? Je crois que c'est le lundi, le mardi, merde, férié. Le mercredi, c'était le férié. Jeudi, le vendredi. Et bien... le week-end, non, en fait. Très parce bien. Parce qu'elle pleure le week-end. Ah là, oui, elle a besoin de ça pour se remettre. D'accord. Donc en tout cas, c'est plutôt pas mal d'utiliser qu'un groupe utilise le côté sponsorisé pour donner une vidéo à ses fans, enfin une chanson à ses fans sans que ça passe par l'intermédiaire d'un album. Parce que au niveau de la cohérence avec leur texte et de leur thématique, ça ne marchait pas. C'est ça. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Non, mais ouais. Un morceau que tu as beaucoup aimé. Complètement. Ah bah c'est fou ça. Ouais, non, j'ai été surpris. Agréablement, je dirais pas, mais j'ai été surpris. C'est ça. Ouais, ouais. C'est vrai qu'en plus, ça, quand même, ça allie deux de tes amours. D'abord, Sabaton. Ouais, déjà. Et puis les navires. C'est ça. Complètement. Bah, je rejoins un peu Joe. Lui, c'était plutôt les chars. Bah ouais. Moi, je suis les navires. Bah, je pense qu'à nous deux, on peut. En même temps, en ce moment, il fait du paddle. Donc, quelque part. Il fait du paddle. C'est un peu un navire. Ouais, bah c'est ça, ouais. Ah ouais. Tu lui mets deux, trois. Et est-ce qu'un cuirassé, c'est pas quelque part un char sur l'eau? Bah, je pense que ça pourrait se rapprocher de ça, ouais, c'est ça. Ouais, je pense qu'on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Allez, on va passer aux news Hellfest. Alors, très peu de news. On va commencer juste par un petit rappel, à savoir que le Hellstat, donc, qui est donc afin d'améliorer le festival et de rester à notre écoute, le Hellfest réalise une enquête en collaboration avec Corentin Charbonnier, docteur en anthropologie, dont la thèse était... Le Hellfest, un pèlerinage pour Metalhead. Donc il y a un questionnaire d'une vingtaine de minutes, on en avait déjà parlé. Mais je tenais à le rappeler principalement, pour dire que le questionnaire sera disponible en ligne jusqu'au 30 avril, donc il n'y a plus qu'une semaine. Et regarde comme je suis fort. Et d'ailleurs, le 30 avril, n'est-ce pas la dernière date du warm-up? Mais je crois que si. Du coup, le warm-up a commencé la semaine dernière. Quel enchaînement, ouais. Quel enchaîneur d'enchaînement. Oh bah je travaille. Hein, tu es formidable. Je fais clac, clac, clac, clac, clac. Ah ouais, carrément. Moi je swing. Comment ils s'appellent les... Les contrebassistes? Non, ouais, les mecs là, tu sais, qui chantent danser, mettez basket. Là. Ah, les forbans. Les forbans. Bah, c'est mon père. Ah, le contrebassiste? Ouais. Celui qui mettait son pied dessus et qui faisait wap, wap, wap, comme ouais, ça. C'est ça. Putain, génial. Ouais, c'est... Bon, on a passé des super Noël, hein. Ouais, j'aimais bien son costume jaune. Mais ça, c'est parce que t'aimes bien le jaune, les navires, et puis ça m'attend. Ouais. Donc, et le warm-up. Qu'est-ce que c'est donc que le warm-up? Peux-tu nous en parler deux secondes? C'est vrai, qu'est-ce que c'est que le warm-up? Bah, en fait, je viens de te poser la question. En fait, c'est comment... C'est quoi la phrase? C'est quoi la phrase choc? C'est quoi la phrase choc? Si tu ne vas pas au Hellfest, le Hellfest viendra t'attendre. Exactement. Et voilà. Donc, quoi est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est une petite mini-tournée de la France, mmh. Donc des villes, on va dire, principales de la France, avec une vraie tournée. Hein, ils font vraiment le tour de la France. Le tour, ouais. Voilà. Pour se terminer, ils ont commencé par Vannes, ouais. Et ils le finissent par Nantes. Mmh. Donc vraiment, hein, c'est... Ça passe par Caen, Lyon, Lille... C'est passé, Strasbourg. Oui, c'est passé, Strasbourg. Lyon, c'est ce soir. C'est ce soir, oui. Strasbourg. Après, je suppose Bordeaux ou des trucs comme ça. Hein. Voilà. Je pense, hein. On n'a pas tout vu, mais non. Voilà. Et donc, c'est des membres de l'équipe. Voilà, c'est ça. Ils se promènent. Et ils se promènent. Un bras là-bas. Et c'est fou. Du coup, voilà ce qu'est le warm-up. C'est ça. Presque. C'est presque ça. C'est presque ça. Ah, mince. T'étais... Non, c'est bien. Donc, j'étais presque, du coup. Donc, il y a deux concerts par soir. Deux concerts. Pas partout. Non, mais il y a deux concerts sur Officiel. La tournée. Voilà. Qui donc sont Princesse Lia, un groupe un peu parodique avec des dos. Le comique métalleux. Oui, parce que c'est pas un des membres, justement. Parce que le dos n'est pas un membre. Et du coup. Et en tête d'affiche, Dagoba. Et à savoir qu'à chaque scène, un groupe local, donc qui viendra en première partie, et parfois même des groupes un peu plus connus, comme Black Bombay, Hangman Chair, Redemption. Mais ils ont, d'ailleurs, j'ai cru qu'ils ont rajouté un chiffre à côté de Redemption, parce qu'il y a un autre groupe Redemption. Ah ouais ? Bah, cette année, il y a un autre. Cette année, on a un Redemption. Oui, ah ouais. Et là, c'est Redemption 23-99, je crois, un truc comme ça. Je crois, hein. Ou alors c'est juste pour le tagage sur Facebook. Et, d'accord, c'est peut-être la date de naissance d'un des jeunes. En tout cas, voilà, eux, parce qu'ils sont déjà passés en plus. Ça devait être à Lille ou... ils sont passés il y a 2-3 jours. Et donc, en dehors de ça, il y a des... Comment on appelle ça ? Il y a des petits cadeaux type goodies. Donc, il y a le gobelet officiel de cette mini-tournée. Apparemment, il y a d'autres goodies, mais ça, j'en ai pas vu. Donc, si on avait peut-être... Je pense qu'ils ont tous été donnés à Vannes. Tu crois ? Du coup, j'en avais plus. C'est possible. Il y a la possibilité de se faire prendre en photo donc, avec des espèces de décors comme pour toute la promo du Hellfest, le Missing This Guy. Donc, on est dans une espèce de Polaroid où on a disparu. Voilà. Il y a aussi un autre type de photo où on est pris par un photographe, machin. Il y a du merch spécial. Donc, Aero Closing. Ouais, Aero Closing, oui. Et en partenariat avec le Hellfest. Hein. Tout à fait. Voilà. Et Flibustier aussi. Flibustier, alors je ne les ai pas vus, mais je ne les ai pas vus non plus. Ouais. Mais quand je te disais le merch en particulier, c'est par exemple les petits verres que tu voulais prendre. Oui, les petits shots. Bah, eux, ce n'est pas Aero Closing. Non, mais c'était sur le stand Aero, donc après... Oui, peut-être que ça l'est aussi. Mm. Donc, différents trucs qu'on trouve que sur cette tournée. Ouais. Bon, bah, des t-shirts. Il y a un t-shirt officiel, je crois, de... Bah, il y a le t-shirt Princesse Leia. Voilà. Et il y a un patch aussi qui fait penser à... Bah, c'est Yoda avec une crête ouais. Que je voulais prendre et que j'ai pas pris. Et il y a aussi deux concours de air guitare. Donc, on peut gagner un pass 3 jours les 2 fois. Et après, les deux gagnants, selon un vote du public... Le gagnant des gagnants voilà. Ira sur la Hellstage défendre son titre au moment du festival. Qui est le jeudi. Je crois que c'est le ouais. Jeudi aussi, ouais. Est-ce qu'on a oublié des choses ? Je crois que c'est tout pour la petite description. Ouais. À savoir qu'aussi, donc, lors de ces choses-là, c'est des événements où on peut discuter, donc, notamment avec Alex Rebec qui est présent, ou les autres membres du staff qui sont là. Ils sont à votre disposition. Donc, on nous en parle parce que nous, on a été à la date de Caen. On avait annoncé qu'on irait au moins que 50% de Road to Hellfest y serait. Et au final, on était à 150%. Exact. On y était tous. Bah oui. Alors, je tiens juste moi à préciser que, et ça Bob pour en témoigner, je suis parti de très mauvaise humeur et de très mauvaise volonté à cet événement. J'étais fatigué, j'avais pas envie d'y aller. Et donc, j'étais pas du tout en mode de m'amuser. Dit de passer un bon moment. Donc, arrivé sur place, ça commençait bien parce qu'on a pas mal déconné avec les videurs. Oui. Qui était très sympa. Toi, tu avais en plus eu l'autorisation de venir prendre des photos. Voilà. Donc, ce que tu as fait, hein, tu as violé l'intimité des gens sur place à de nombreuses reprises. C'est ça. Enfin, l'intimité publique. Dans un cadre public. Tout à fait. Donc, on n'a pas vu le premier groupe, Primal Rage. C'est ça, Primal Rage ? Primal Rage, ouais. On a raté parce que, on n'y arrivera jamais. Non, mais on se décide... Non, mais en plus, c'est une question de timing, on n'a pas pu, c'est tout. Bah, c'est vrai qu'on ne pouvait pas arriver à l'heure, à un endroit d'une heure de distance, en partant après une heure de distance. Ouais. C'est ça, donc on a perdu une heure de distance. Une heure, tout court. Voilà. Sans la distance, du coup. Donc, ça nous a permis quand même de voir Princesse Leia et Dagoba. Donc, Princesse Lia, t'as regardé tout le concert avec nous. Donc, c'est plus... Alors, moi, ce que j'aurais à en dire, c'est j'ai passé un bon moment. les blagues étaient amusantes, c'était pas la grosse gaudriole et c'était pas amusant, mais c'est plus un spectacle qu'un concert, parce qu'ils jouent des micro-morceaux très courts et quelques morceaux en entier. C'est pour passer un bon moment, c'est pour ouvrir les hostilités, en fait. Mais je trouve que ça manque de chansons complètes, quand même. Moi, ça m'a manqué de plus de chansons, quoi. Donc, après, j'ai eu l'occasion de discuter 2 minutes avec Dedo, donc, qui ne sera peut-être pas au Hellfest cette année. Il sera peut-être en tournage. Et il espère bien revenir l'année prochaine au Hellfest avec Princesse Leia. Donc, Metal Corner ou autre, mais il aimerait bien. Ouais. Après, pour le coup, c'est peut-être un peu léger pour autre chose. Ça laisse le temps de bosser. Tout à fait. Et c'est ça que je regrette de ne pas lui avoir posé comme question, s'il allait avoir d'autres chansons et un album à venir. Voilà. Ou s'il gardait le format spectacle, comme ça, enfin, spectacle-concert. Comme plus ça. Vidéo qu'audio, du coup. Non, mais tu sais, le côté... en fait, ça se trouve, leur spectacle, il est abouti tel que, et ils estiment que c'est bien comme ça, tu vois. Et qu'ils n'ont pas besoin de rajouter de chansons, vu qu'il y a ce qu'il faut pour tenir. Oui, oui, on entend. Donc, soit là, ils ont comblé pour manque de chansons, soit le spectacle est orienté comme ça. Il y a possibilité de cutter 2-3 trucs. Et puis... Ah bah peut-être, parce que vraiment, quand tu regardes la description, c'est exactement ce qu'on a eu, en fait. J'ai relu la description tout à l'heure, et c'est exactement ce qu'on a eu. Donc, en fait, en gros, l'idée, c'est Dedo est métalleux, et son compère, dont j'ai oublié le prénom, n'est pas métalleux, mais va découvrir l'amour du métal et de la fraternité au sein de ce concert. Donc, tous les soirs, il le redécouvre. Je suppose. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, toi, ton avis sur ce spectacle-concert J'ai trouvé ça sympa. Après, je trouve que ça va plutôt bien avec. Ça, comme une espèce de mise en jambe avant Dagoba. J'ai trouvé ça plutôt sympa, bonne énergie sur scène. Il n'y avait pas de temps mort, donc... Alors moi, j'ai eu beaucoup de critiques comme quoi c'est les mecs qui causent, machin, truc, ça fait chier. Ouais, mais bon, faut aussi voir un petit peu plus loin que le bout de son nez. Puis, je sais pas, moi j'ai trouvé ça sympa. Voilà. Ouais, puis bien dans le truc, quoi. C'est une tournée, les mecs ils font... Voilà, on n'est pas là pour non plus faire trop sérieux, bordel de merde. C'est vrai, c'est vrai. Pas de déconnade. Donc après, une petite interlude, parce qu'en fait, ça aussi, on aurait pu en parler, et je ne savais pas du tout que le cargo était comme ça, mais en fait, donc à Caen, et je ne sais pas si toutes les salles qu'ils ont faites ont été choisies pour la même configuration, mais il y a une petite salle d'un côté et la grande salle ailleurs, ce qui permet en fait d'installer les groupes entre deux. Et du coup, tu n'as pas vraiment de temps mort, parce qu'entre le concours d'air guitare, de boire un coup, de voir les machins, ça s'enchaîne assez vite. Et ça passe plutôt rapidement, en fait. Mmh. Et du coup, donc, après, il y a eu le concours, après Princesse Leia, il y a eu le deuxième concours de air guitar, et après le concert de Dagoba. Donc, petit rappel qu'on n'avait pas forcément trop aimé le dernier album à cause de tout le côté électronique qui a été rajouté. Tu as fait la chronique du groupe récemment, et tu as dit quand même avoir bien aimé le premier album. J'étais assez d'accord avec toi, parce que moi, j'aime bien les deux, au moins deux ou trois premiers. Et du coup, il y avait le passage en live. Est-ce que ça allait confirmer ou pas ce truc-là? Alors, je vais commencer par parler. Donc, moi, j'ai plutôt été agréablement surpris. En fait, j'ai passé un très bon moment pendant le concert, en allant jusqu'à crier sur les morceaux que je reconnaissais ou pas. J'ai plutôt un petit bémol sur le son. Alors, soit c'est sur leur mix général, mais j'avais un peu de mal à discerner la guitare et tout ça. Donc, j'étais plus... je ressentais plus la batterie et tout et le son de la batterie que la musique complètement, quoi. Donc ça me manquait un peu, mais en dehors de ça, le groupe a plutôt assuré. J'ai passé un bon moment et franchement, ça a donné une bonne patate. Quant à toi, Bob? Quant à moi, oui. Entre mes allers-retours dans la salle d'à côté, oui, ouais, et bah, j'ai trouvé ça sympa, voilà. Mais j'ai moins remarqué le côté électro, parce que forcément en live, c'est, voilà, ça passe bizarrement étouffé, parce que tu as toujours le côté énergique du métal qui est là, donc j'ai apprécié, mais voilà, sans plus. Sans plus. Ouais, sans plus. D'accord. Ça n'a ni affirmé ou changé ton avis sur... Non. D'accord. Non, non. Donc après, juste avant Dagoba ou avant le début des concerts, je ne sais plus, il y a Alex qui vient faire un petit speech. Entre les deux, il vient faire un petit speech en disant que surtout, n'hésitez pas à venir nous parler, on est là après, machin. Il y en a qui disent, ouais, paye un coup. Il dit, ouais, si tu veux, on boira un coup après, machin. Bon, bien sûr, moi, je l'ai pris comme une politesse classique qu'on peut dire. Tout à fait. dans ce genre de soirée, en disant merci d'être venus les gars, machin, on se revoit au Hellfest. Voilà, le concert est fini, on ferme la porte avec voilà. Eux, et puis basta. Et en fait, juste après Dagobah, on s'est retrouvés... bon, toi, t'avais déjà un tout petit peu parlé avec lui. Ouais. Parce que tu faisais des allers-retours. Richard. Ouais, c'est plus Richard. Mm. Et donc, bah, nous, on s'est retrouvés à parler avec lui au fumoir. Mm. Et en fait, on a pu discuter peut-être une heure et demie, je pense, avec lui quand même. Hein. Ouais, facile, ouais. Parce qu'en fait, après, au bout d'un moment, ils ont fermé le fumoir pour dire aux gens qu'il fallait partir. Et Alex nous a clairement dit, bah, venez, on va discuter à côté. Donc, on a pu discuter un peu du podcast, lui dire ce qu'on faisait un peu plus. Et aussi lui poser des questions sur le Hellfest, des trucs qu'on s'était posés comme questions, y compris sur les rumeurs de la semaine dernière. Donc en gros, on avait commencé par lui poser des questions sur le merch, à savoir pourquoi ce n'était pas fait en ligne. Et en fait, lui disait qu'il y avait déjà pensé. À la base, il y avait déjà pensé, mais que le problème était exactement ce que tu avais souligné la semaine dernière, Bob. Le problème qu'une fois sur trois, les gens se trompent de taille. Ouais. Et pour qu'un système de mise en vente en ligne soit possible, il fallait que les gens puissent récupérer leur commande, mais sans changement. C'était la commande qu'ils avaient voulu. Et basta, ouais. Et s'ils se trompent, tant pis pour eux. D'ailleurs, c'est de là qu'était pour eux née l'idée de peut-être déplacer la vallée et la mettre du côté de la Warzone. Ouais. Et à la place de la vallée, mettre un truc de merch vraiment estampillé que pour ça. Ouais. Ça ne sera pas fait cette année. Voilà, ça, il nous l'a dit. Mm. Les autres années, il n'a pas... trop dit non plus, mais en tout cas c'était une idée. Ouais. Donc après pour le merch, à savoir est-ce qu'il va y avoir du changement, il a pas trop rebondi là-dessus. Il a juste dit que bah on avait de la chance d'être une communauté de gens très polis, qu'à partir du moment où il y a une file, bah les gens suivent la file. C'est ça. Et donc bah pas de changement autre retenu pour le merch. Ils vont sûrement essayer de faire un truc, mais voilà. Mmh. Le changement principal au niveau des infrastructures, ça va être, bah, comme on l'a dit en rumeur la semaine dernière, mais la rue de la bouffe, comme j'aime à l'appeler, elle va être effectivement être pavée, pour plus qu'il y ait de poussière ni rien. Donc ça va être revu complètement. Mmh. Il y a des changements aussi au Metal Corner, comme on l'avait dit dans les rumeurs. Donc il y aura une double scène et un endroit où se restaurer. Apparemment, ils remettent un truc qu'ils avaient enlevé. Ouais. Ah, je vois pas trop quoi, mais... Bah, c'était peut-être... Visuellement, j'ai l'image d'une espèce de grand carré, un peu comme là où on va prendre la bière au Metal Corner, c'est un truc comme ça, mais ailleurs, ou peut-être genre autour de l'arbre. Ouais, je vois plus, vraiment, je vois plus du tout, là. Je l'ai vu tellement de fois, là, changer. Après, ouais. Peut-être un truc plus près des tentes pour écouter les concerts, et... parce que sinon, il y a quand même la grande tente où on peut aller manger. Ouais. Mais voilà, peut-être un truc comme ça. En tout cas, il y aura ce changement-là. On a parlé un petit peu du Knotfest pour avoir un peu la température. Bon, bah forcément, lui, il a dit, parce qu'on a parlé aussi donc, du coup de la mise en vente en avance des passes 2020. Mm. Donc lui, bah, il ne l'a pas totalement confirmé, mais effectivement, il semblerait qu'il n'y en ait pas cette année. Parce qu'effectivement, avec le Knotfest, ça ferait trop d'affluence devant la cathédrale. Parce qu'en fait, pour l'instant, comme il nous l'a dit, il voulait Slipknot. Et pour avoir Slipknot, il fallait prendre le Knotfest, mais ça complique forcément beaucoup plus les choses. Voilà. Ça complique tout, en fait, le Knotfest. Mais il a aussi ajouté que, par la suite, pour avoir de plus gros groupes, bah, il faudrait peut-être installer une quatrième journée. Voilà, donc, et donc aussi, il a ajouté que pour bah, la mise en vente de ces passes de 2020, leur sert plus à rien. Donc, ça, il l'a dit. Donc, ouais. S'il l'enlève cette année, il y a peu de chances qu'ils remettent les autres années, donc c'est pas confirmé ni rien, mais voilà, il y a peu de chances. Mm. Donc est-ce qu'ils le garderont comme un espèce de truc pour les fans ou pas, enfin, en l'occurrence voilà. Les fans. Non, oui. Je dis les fans, c'est un bien grand mot. Non, mais hein. Je parle des fans qui viennent acheter leur billet direct pour être là sur l'année prochaine, tu vois. Ouais. C'est en ça que je te parle. Moi, oui. Comme je disais la semaine dernière, les mecs qui sont là dès le début attendent devant la grille et le premier truc qu'ils font, c'est acheter leur passe. Mmh. Tu vois. Ouais. Il a aussi signalé, comme on disait, le fait que bah, ça génère des files d'attente et que des files d'attente, après, au bout d'un moment, le mec il a attendu 3 heures, il n'y a plus de passe et il est dégoûté. Bah ouais. Donc, il a aussi, on a aussi donc, pas mal discuté de la com en disant que nous on aimait beaucoup cette com qu'il y a eu cette année, qu'elle était beaucoup plus présente que l'année dernière. Il n'a pas trop rebondi là-dessus, mais que par contre, en rebondissant sur celle de cette année, lui, il a quand même constaté qu'ils se sont peut-être perdus à un moment donné, entre toutes les vidéos et tout ça. Beaucoup de choses. Ouais, donc, beaucoup d'infos. Voilà, beaucoup de... On s'est peut-être perdu à un moment. Ouais. Voilà, mais... Et que à l'avenir, ils avaient tendance, enfin pour l'instant, ils avaient tendance à beaucoup, beaucoup, beaucoup capitaliser sur l'image du fest et tout ce que c'était, et qu'ils aimeraient bien revenir à un truc aussi un peu plus proche de la musique. Voilà. Donc ça, c'est à peu près. Alors, je pense que toi comme moi, ce qu'on va vouloir, déjà toi, ce que tu vas vouloir dire, c'est que il est, enfin ce que tu vas vouloir ou pas, c'est pas du tout. C'est quand même, on a été tous les deux quand même très agréablement surpris de bah, de sa compagnie, parce qu'il était extrêmement cool. Ouais. Extrêmement sympa. Déjà, on n'avait pas du tout prévu de se retrouver dans le tourbus et encore moins de se faire payer à boire. Non. Parce que, et là, on en avait. En même temps, une tonne de bière, ça va. Oui, parce qu'ils sont partis. Ils avaient largement de quoi faire. Ils sont partis avec une tonne de bière. Donc, c'est quoi? C'est Cronenbourg? Ouais. Donc, comme ils sont en association avec Cronenbourg, Cronenbourg leur a filé un pack de bière. Et moi, bêtement, je lui ai dit, mais tu te ravitailles où? Il me fait, non, mais on a tout là, au cul du camion, tout est là. Ouais. Et je lui fais. Mais c'est pas une expression, une tonne. Hein. C'est une tonne, vraiment. C'est vraiment c'est le poids, kilos. Une tonne. Et je lui ai dit, mais tu vas faire quoi de ce qui reste? Il ne restera pas. Choqué. Voilà. Et donc, vraiment, moi, je tiens à souligner que ce que vous pensez être une politesse, genre, venez nous voir et ça, c'est qu'on a commencé à discuter avec lui. Il aurait pu discuter 5 minutes, passer à d'autres gens. Il est resté avec nous. On a été dans le tourbus. On a discuté avec lui. À aucun moment, on a eu l'impression de le gonfler, ouais. De le gêner. Le mec était cool, sympa. Hyper présent, hyper en plus, comment dire, un peu comme on avait trouvé avec Nico de Tagada, hyper bon client, il répond ouais. À nos questions, il discute avec nous. Voilà, donc, mais après, comme il te l'a dit à toi, il paraît souvent arrogant et un, ouais, peu, à la fin, ouais. Et un peu désagréable. C'est toi qui as dit ça même. Hein? Ouais, t'as vu Alex hein? Ou c'est moi, je sais plus. Non, c'est toi, ouais, ouais. C'est toi qui as dû lui dire, c'est pas moi. Et il l'a dit en ressortant, il a dit oh, bah, c'est vrai que des fois je peux paraître un peu connard, mais. Non, mais. Mais bon, en même temps, moi je suis dans le même cas aussi. Hein, non, ouais, mais coup, ouais, mais après, c'est forcément. C'est ce que je. Lui est une image publique, c'est donc, ça. Du coup, c'est vrai que c'est moins. Mais en vrai, on a été vraiment surpris de. Ouais. Parce que franchement, il aurait pu. Discuter même une demi-heure, dire bon bah les gars. Ouais, au bar, et puis ouais. Dans la salle, et puis dire bon bah voilà, tiens, excusez-moi, on m'appelle. Ouais, tu voilà, vois, non, excuse alors que comme... non, il y a juste un moment donné, ils ont dit bon bah là, faut que j'aille ranger mon bureau, machin, et ça faisait déjà 1h30 qu'on était là, on dit bah ouais, pas de soucis, quoi, ouais. C'est normal, quoi, mais vraiment cool, quoi. Oui, on s'attendait pas du tout vraiment à finir dans le tourbus, quoi. Donc du coup, bon, il y a peu de chances que t'écoutes cette émission, Alex, en tout cas, merci à toi, oui. Merci pour. Bah, toutes tes réponses et franchement c'était cool, c'était vraiment excellent, voilà, donc au plaisir de se revoir. Et merci à toute l'équipe autour, parce ah oui que, parce que pareil ouais, on a croisé pas mal de monde de ouais, l'équipe ouais, et ils étaient tous super sympas, quoi. C'est vrai que ça aussi je très agréable, quoi. À chaque fois que quelqu'un rentrait dans le bus, il venait nous dire bonjour, il venait taper la discute, et à aucun moment ils étaient en mode oh les relous machin, ils étaient vraiment tous sympas. C'est assez impressionnant de voir autant de gens sympathiques. Oui, c'est bizarre d'ailleurs. On est pas habitués. Ouais, de la drogue, je pense. Ouais, je pense. De la drogue ou de l'alcool, énormément. En tout cas, voilà. Donc, il reste encore quelques dates pour la warm-up. Si vous avez l'occasion et que vous n'avez pas encore osé y aller, on vous conseille vraiment, vraiment d'y aller. Je suis presque déçu d'avoir attendu si longtemps pour y aller. En même temps, c'est la première fois qu'ils viennent à Caen. Donc, oui, tout à fait. Mais non, vraiment, c'était une très, très bonne ambiance et je suis presque déçu de ne pas pouvoir en faire d'autres. Mais en tout cas, c'était une très chouette expérience. Et leur tourbus est plutôt agréable. Il est confortable. Je me suis cogné deux fois quand même. Hein, parce que bon, bah, forcément, 1m88, donc c'est pas la... Mais du coup, c'est pas du tout à cause de l'alcool. Non, c'est à cause des petites choses dans les petits bus. D'accord. Très bien. Eh bien, du coup... Ça va passer pour l'alcool. Voilà, donc enchaîne avec ça maintenant. Je te propose de passer à la partie Knotfest et de garder encore une fois la partie Metal Corner et le stage. En fait, je pense qu'on va bientôt arriver au moment où on fait les. Comment on appelle ça? Tu sais, les reviews des lieux. Oui, tout donc, à fait. Donc ce sera à ce moment-là qu'on. Tout à fait. Donc du coup, le Knotfest, qu'est-ce que c'est? Attention! Qu'est-ce que c'est que le Knotfest? C'est une bonne question. Est-ce que tu peux répondre à cette question? Qu'est-ce que le Knotfest? Eh bien, le Knotfest, c'est un festival qui arrive pour la première fois en France en partenariat avec le Hellfest. Toujours 10 groupes pour ce mini-festival. 5 groupes américains et 5 groupes européens. Et surtout, attention, car il y a déjà 80% des places vendues. Et cette semaine, c'est au tour de Rob Zombie. À toi la parole. Yeah, hi. Everybody. Je crois que je vais me limiter. Alors, Rob Zombie. de son vrai nom Robert Paulett Cummings, né le 12 janvier 1965. Eh ben, est-ce que c'est... Non, pas comme moi. Ah bon? Non. D'accord. Non, mais je suis plus décembre. Aïe. À Haverhill, dans le Massachusetts. Pas du tout comme moi. C'est vrai? Parce que moi, je suis à 10 yeux. Est un chanteur, musicien de métal américain, ainsi qu'un réalisateur de films d'horreur. Ah oui. Que ça fout les chocoboules. Ah oui. Ses parents et grands-parents, travaillant dans un cirque, Robert a grandi au milieu des fêtes foraines et autres monstres de foire. C'est donc très tôt que lui et son frère développent un goût pour le burlesque et les créatures étranges. Waouh. C'est étrange, n'est-ce pas? Ah, j'ai l'impression de l'entendre pour la première fois. Ouais, c'est normal. Passant près de 8 heures par jour devant la télévision, il apprécie particulièrement les films d'horreur et devient un fan assidu des séries télé d'horreur des années 1960. D'accord. Voilà. Ça me rappelle moi dans les années 90. Ouais, pareil. Parce qu'il n'y avait pas du tout les mêmes programmes. 80, je regardais Pinocchio. Lequel, la version italienne là? Ouais, en noir et blanc. Ah, je l'ai vu en couleur moi. Ah ouais? Bah, moi je l'ai vu. Quand j'ai péto, il donne des poires? Ouais, c'est possible, ouais. Qui finit dans la baleine et que c'est très très mal fait. Et que la princesse, sympa. Elle était plutôt... Ah non, c'est pas un film, hein, c'était une série. Moi, je regardais. Non, moi je te parle... Bah non, du film. Ah ouais, non, moi je te parle d'une série qui était en noir et blanc. Ouais. Non. C'est bizarre. Alors que le rêve premier du jeune Cummings est de devenir hockeyeur professionnel, il découvre et apprend très vite à aimer la musique et cite Black Sabbath, Kiss, Alice Cooper, Metallica et Ministry comme ses principales influences. C'est fou. C'est Après fou. Avoir formé le groupe White Zombie à la fin des années 1980 et édité 6 albums enregistrés en studio, le groupe qui joue à l'origine une sorte de punk psychédélique et montre sur scène une image pseudo-satanique avec l'imagerie de films d'horreur classiques avant de se séparer fin 1998, les membres ne pouvant plus se supporter. Et carrément. Oui. Bah oui. Voilà. C'est un peu comme la saison 5 de Rot to Hellfest. Oh, saison 3 déjà, c'est déjà pas mal. Déjà la saison 2. Rob déclara même, plutôt que de faire des albums de merde, on préférerait s'arrêter là. Un homme de sainteté. Tout à fait. Alléluia. Il forme un nouveau groupe, Rob Zombie, et publie 6 albums, dont le dernier est sorti en 2016. Le son de Rob Zombie... Au début de sa carrière solo, est considéré comme du Barnum heavy metal psychédélique. Chaque album est un album concept. Ils sont ordonnés comme un film d'horreur. Ça se sent. Ainsi qu'à chaque album, chaque album possède une intro et une fin. Commence et se termine souvent par des dialogues tirés de films d'horreur ou d'ambiances effrayantes et entrecoupés d'autres effets sonores d'horreur. Tu vois, ouais, des loups-garous, des ghouls, des bêtes. Ouais, des loups-garous. Des fourmis. Ouais, aussi, ouais. Avec des mandibules. En parallèle à sa carrière de chanteur, Zombie est aussi réalisateur, scénariste et producteur de films d'horreur. Bah tiens, tant qu'à faire. Avec 7 longs métrages à son actif, une fausse bande-annonce pour le projet Grindhouse des deux compères Tarantino Rodriguez et un dessin animé qu'il co-réalise avec Mr. Lawrence, The Haunted World of El Super Bisto. Eh bien, ouais, t'as vu ? C'est un homme occupé. Tiens, bah écoute, il a pas trop que ça qu'il y a à foutre non plus. Enfin, il est également scénariste de comics comme notamment Rob Zombie's Spook Show International. En 10 volumes et The Nail en 4 volumes. Robert est membre du Splat Pack, terme inventé par l'historien filmographique Alan Jones dans le magazine Total Film Magazine, désignant la nouvelle vague de réalisateurs de films d'horreur très violents et brutaux. Ah bah dis donc, c'est pas pour moi ça. Forbes estime les gains de Rob Zombie pour l'année 2007 à 2000. Oui, oui. À 20 000 lions de dollars. C'est un mec occupé, mais en même temps, il... Bah, il peut. Bah, il peut. Hein, c'est... Bien. Ça va? Je pense, ouais, ça va. Et alors, qu'est-ce que t'en penses, Tipa, de Rob Zombie? Ouais, il est sympa. Moi, j'aime bien Rob Zombie. On a déjà dû le chroniquer l'année dernière. Ouais, c'est fort possible. Je crois que c'était moi. C'est fort possible. Alors, ce qui est marrant, c'est que je ne me souviens pas du tout de ces histoires-là. Ah donc, ouais, ouais. Mais je me souviens avoir dit à l'époque que je trouvais que sa musique avait quelque chose de très visuel. C'est vrai, c'est pas faux. Et que du coup, elle me faisait penser à des bandes originales de films, comme quoi j'étais pas totalement dans le faux, dans l'idiotie. Et que je pense que ça reste pour moi quelqu'un qui est beaucoup plus intéressant à voir en live qu'à écouter. Parce que je me vois pas écouter du Rob Zombie, sauf en fond, en fait, en fond de quelque chose. Ces morceaux en soi, c'est pas forcément ce que j'aime, mais c'est bien dans un truc, tu vois. Ouais. Moi, c'est plus comme ça que je le vois. Après, je suis pas un grand fan, mais je regrette, par exemple, d'avoir vu le concert que vous avez vu. Bah, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Hein? Alors que, parce que tu m'as dit qu'il était visuellement très intéressant. Plus que les autres, parce que du coup, il était de nuit. Bah oui. Et Rob Zombie, je pense que c'est un mec qui est plus à voir de nuit que de jour. Ouais. Mais après, c'est... Voilà. Et toi, alors? Bah, moi, pareil. Alors, du coup, je confirme que c'est toi qui l'as chroniqué, parce que si ça avait été moi... j'aurais découvert ses premiers albums avec Why Zombie. Bah, tu sais, il n'y a pas longtemps que tu te mets vraiment, vraiment à écouter les choses, donc ça ne veut pas forcément. Et je te merde. Avec une pelle de 12. Et voilà, donc tu c'est ça. Et donc c'est quoi le problème? Une tonne. Le problème, c'est la franchise ou l'acceptation? Non, c'est la frangipane. Ouais. Ouais. Donc, non, oui. Le problème, c'est bah, ni l'un ni l'autre en fait, parce que j'accepte hein, ce que tu franchises. Après, ça a été peut-être Jean hein, qui a écouté Rob Zombie. Ça se trouve, t'imagines? Oh là là. Il est capable de tout ce gars-là. C'est clair, il fait du paddle. Oui, pardon, donc je t'ai coupé. Alors, qu'est-ce que t'aimes bien de Rob Zombie? Bah, moi, j'aime bien son côté, justement, comme je viens de le citer, c'est que ses albums sont un peu chorégraphiés comme des films d'horreur. Et j'aime bien l'esprit, j'aime bien le visuel, parce que oui, il y a forcément un visuel avec Rob Zombie. Mais tout ça s'alimente bien. Oui, mais est-ce que tu trouves qu'il y a des titres qui sortent du lot et que tu pourrais écouter tout seul? J'écoute les titres tout seul. Les Rob Zombie, je les ai quasiment tous, du coup. Oui, mais là, par exemple, toi, tu dis, tiens, je m'écouterais bien cette chanson précisément de Rob Zombie. Non, c'est plus un album. Voilà. Voilà. C'est ce que je disais. Ouais, c'est ça. C'est plus, mais c'est comme tout ce que j'écoute, en fait. Mais non. C'est, bah si, parce mais que non. Moi, c'est un sentiment, la musique. Ouais. Une famille, la musique. Non, c'est un sentiment pour moi, la musique. Bah, c'est un ressenti. Ah. T'as un moment où tu vas pas bien, bah t'écoutes du Soylent Green. Et ça va mieux. Bah ouais, parce que tu prends ta batte de baseball, puis tu défonces tout. Et du coup, bah t'es soulagé. Non, ça ressemble pas à quelque chose que tu écouterais. Ah bon? Ça, je reviens sur ce que je disais. Donc oui, c'est vrai. Donc, d'accord. Donc, est-ce que tu iras voir Rob Zombie au Knotfest? D'accord. Tout à fait. Et est-ce que tu achèterais des CD de Rob Zombie? Bah, ça va être compliqué. Attends, question. Vraie question. Voilà, vraie. Alors voilà. Pour une fois. Est-ce que tu préfères Rob Zombie, le chanteur musicien, ou Rob Zombie, le réalisateur? Moi, j'aime bien Rob Zombie, le réalisateur musicien. Attends, pardon, excusez-moi, j'ai tapé. Oui, mais si tu devais choisir? Je ne peux pas choisir. C'est comme me demander, tu préfères un Kit Kat ou... Ouais, voilà. Et en fait, je peux pas. Me demande pas ce genre de choses. D'accord, c'est pas possible. Je m'excuse, je voulais pas. Et toi, tu préfères quoi? Alors, clairement, je préfère le côté réalisateur. Oui. Parce forcément. Qu'en fait, je trouve que dans ses réalisations, on retrouve tout de lui. Et qu'effectivement, dans sa musique, en live en tout cas, on peut retrouver les choses. Mais sur CD, il va peut-être manquer quelque chose pour que ça soit parfait. J'ai pas avoir l'impression d'être satisfait en écoutant que sa musique. Alors que quand je vois The Devil Reject, j'ai l'impression d'avoir tout eu. Et d'avoir passé un bon moment, et d'être dans un... C'est normal, c'est un des meilleurs films qui a été fait. Bah oui, mais ça... Alors que quand je regarde Les Sorcières de Salem, enfin Salem, je crois, tout court. Non, c'est pas... Non, il y a un autre truc. Ouais, il y a un autre truc. Et ben là, il y a une partie où ça va... Et l'autre, ça couille. Ouais. Mais bon, bref. Donc, nous irons voir Rob au Knotfest. Au moins pour lui claquer la bise. Bah voilà, c'est ça. Et puis... Entre barbu. Et lui dire, c'est bien ce que tu fais. On attend avec impatience la suite de Devil Reject. Bah, true. Non, c'est... Bah, on l'attend. Ouais, bah ouais, on l'attend. Non, ça, c'est Manson, ça. Ah, qui est un grand pote à lui, d'ailleurs. Ouais, bah oui, il tourne en ce moment. Comme quoi, The Hebel Twins. Personne n'est parfait. Oui, malheureusement. Bon, c'est plus un coup de marketing, ça. Je te proposerai, Tipa, de passer aux chroniques. Ah, bah écoute, vas-y, fais donc toi plaisir. Chronique, chronique. Est-ce que tu commences ? Je commence par quoi ? Bah, c'est toi qui vois, c'est tes groupes. Est-ce que tu as eu une bonne sélection cette semaine, Bob ? Oui, bah pour ma part, ouais, j'ai une bonne sélection. Ah, tu m'étonnes, ouais. Et toi, t'as eu une bonne sélection ? Attends, qu'est-ce que j'ai eu ? Oui. Ouais. Bien sûr. Cool. Des trucs intéressants. Eh bien, je vais commencer par Alien Weaponry. Weaponry. D'accord. Autant pour moi. Alien Weaponry. Qui est un groupe de thrash metal de la Nouvelle-Zélande. Ne va pas plus loin. Formé en 2010. Je signe. Ok, voilà. Merci. Eh bien, bonne soirée à vous. Allez, au revoir. Bisous. Non, vas-y. Sabot des bois. Continue, excuse-moi de... Voilà. J'ai voulu t'interrompre. Donc, groupe de petits jeunes, hein, avec deux frangins dedans. Comme je disais, ça m'appelle. Des frangins de métal ? Des frères de métal, mais des vrais frères de sang, de métal, de sang de métal. C'est pareil. Avec tout le truc... Genre le livret de famille. Team, ouais. Composé de Lewis de Jong, d'Henri de Jong et d'Ethan Trumbath. Trumbath. Oui. Voilà. Les trois membres sont d'ascendance maori. Voilà. Ah oui. Et plusieurs de leurs chansons sont écrites en maori. Ça, c'est bien. Parce qu'ils tenaient à, pour des jeunes, parce que je crois, de mémoire, l'âge doit aller de 16 à 19 ans. Ah oui, ils sont jeunes, oui. Ils sont jeunes. Putain, ils envoient pour des jeunes. Bah ouais, t'as vu. Comme, tu vois. Et du coup, ils ont été un peu bercés dans... Ils ont voulu apprendre la langue maori, tout ça, dès tout petit. Et ils ont volontairement instauré le maori dans leur texte pour faire honneur, on va dire, et perpétuer les traditions maori. Et ben ça, c'est bien, ça. Voilà. Moi, je suis pour ces trucs-là. Tout que, à fait. Que le maori revienne. C'est ça. Ouais. Voilà, en force. Exactement. On n'a pas assez de maori autour de nous. C'est vrai. On devrait en avoir... plus. 3 ou 4. Au moins. Ce serait sympa. Bah oui. Donc voilà. Maori. Maori. Maori. On avait Maori Nataf, qui jouait dans le... Ok, quoi d'autre peux-tu nous dire ? Donc, ils ont un premier album et le seul pour le moment. Tu vas m'en ouvrir une autre avant d'avoir sous bu parce qu'après moi je vais être sans le sou. Sans le soif même. Je vais être sans le soif, sans le sou. Merci. Qu'est-ce que t'as au bras ? Je souffre de mon bras. Qu'est-ce que tu savais ? Ah là là. Donc un seul album. Ils ont un album. C'est vrai que depuis 2010, tu te dis, bon, bah quand même. Depuis 2010 ? Ouais, ils ont qu'un album, ouais. Donc, ils avaient 16 ans en 2010, donc maintenant, ils sont vieux. Non, oui, enfin, ils avaient, oui, c'est ça, ils étaient même plus jeunes, je crois, avant de créer l'album. Mais oui, non, 2010 j'ai pas leur date d'anniversaire et leur date de naissance. Donc, bon, après, tu t'investis pas. Investigation, bah, oui, zéro. Enfin, j'appelle leur mère, éventuellement. Bah, je comprends pas que t'y aies pas pensé. Mais le problème, c'est que je ne parle pas de maori. Il faut que je te dise tout ce que tu dois faire. Ça va être très compliqué. Et puis, vas-y, toi, appelle en Nouvelle-Zélande. Moi, j'ai pas le forfait tous les pays. Hein, monsieur, j'ai les forfaits. En parlant de ça, ça coûte combien d'appel à la Réunion ? 88 euros. Très, d'accord. Ouais, voilà. Donc, un album. Ouais. Ok. Donc, ils ont été. Ils sont vachement réputés dans leur pays. Ils doivent pas être nombreux non plus. Bah ils sont trois. Hein. Deux frangins. Ah bah oui, je suis con, tu l'as dit tout à l'heure. C'est ça. Et qu'est-ce que t'en as pensé ? Ah pardon, excuse-moi. Parce que... Oui, alors, eh ben, j'en ai pensé, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a des moments où j'ai un peu décroché parce que c'était pas trop mon style, mais quand ça tabasse pas mal. Et du coup, tu y as pensé ? Non, j'étais parce qu'on en a un peu discuté dans la voiture en allant au warm-up. Ouais. Et moi, j'avais dit aussi un petit peu que bah, je trouvais déjà que ça envoyait quand même super fort. C'était assez puissant, mais qu'il y avait un petit côté répétitif par moment. tout au long des morceaux. Donc, ouais. Mais moi, à côté de ça, ouais, j'aime beaucoup. C'était un groupe sur lequel je voulais tomber. C'est assez surprenant, le côté maori, mais ça passe très bien. Et contrairement à Semican, dont je parlais la semaine dernière, je trouve que là... Alors, c'est un peu faux ce que je dis, parce que dans Semican, le problème, c'était plus l'espèce d'instrument préhispanique qui me posait souci, et pas forcément l'intégration des langues. Mais là, avec que ça, ça marche vraiment, vraiment bien, je trouve. Et c'est d'une efficacité incroyable, je trouve. Ouais. Donc, petite question. Sauf si tu veux rajouter des choses sur ton écran. Non. Bah, mis à part que le clip qu'ils ont, je crois que ça doit être le seul clip qu'ils ont fait, ouais, qui est ultra bien réalisé. Ouais. Franchement, il dure assez longtemps en plus. Et, c'est super propre au niveau de la production et tout. Donc voilà, j'ai été épaté. Ouais. Oh, d'ailleurs, en parlant de ça, je me permets. Bravo. Tu as publié tes 4 groupes. C'est... je suis... C'est fou. Merci. J'y croyais pas. Quand j'ai vu le premier, j'ai dit, je vais attendre. Je vais pas en parler trop tôt. On dit rien. Tais-toi. Ne dis rien. Ne l'influence pas. Et du coup, alors, est-ce que tu iras les voir? Ah, parce que... Dis-moi. Oh là là, je reviens. Ils passeront le dimanche en Main Stage 1 à 10h30 jusqu'à 11h, mais ils doivent être dans la 100% trash de mémoire. Et ils seront face à Embryonic Cell. Pardon. Et Dedent. Ça s'écrit pas pareil. Et Dedent. Ouais, je pense que je pourrais aller les voir. Bon petit groupe du réveil. Ouais. Après, attends, on n'est pas tombé sur Embryonic Cell encore. Non. Qui, bon, je ne pense pas que ça sera de la Warzone ou de la Vallée. Je crois pas. Parce que c'est Dedent qui est en Vallée, de mémoire. Mais... Et donc, tu pourras aller les voir. Ouais. Pour voir comment ce que ça donne. Est-ce que tu achèterais l'album? Pas forcément, non. Je pense que je me contenterai de Spotify. Voilà, d'accord. Très bien. Eh bien, merci, Bob. Ben, c'est moi. Je vais passer à mon premier groupe. Tout à fait. Je vais passer à The Rum Jack. Alors, qui passe le vendredi. C'est vrai. Warzone. Tout à fait. Midi 15, midi 45, ouais, pour un set de 30 minutes. Oh, il est tellement précis. Face à Gloryhammer. Eh oui. Ton groupe de cœur, ça rime avec beurre, et Aorlac, que j'ai déjà chroniqué, mais que je me souviens plus trop. Voilà. Alors du coup, je vais faire une mini pause pour regarder le visuel sur Spotify, ce qui va m'aider à me rappeler immédiatement. La mémoire visuelle, c'est important. Ouais, d'accord, je vois. Tu aurais senti... Ouais. C'est du black metal français. Ouais. Non, c'était pas trop mal. C'était bien, mais voilà, c'était pas... Donc, The Rum Jack, ou les vérins à rhum, selon Google Traduction. Tout à fait. Ou le rhum des Jack, selon moi, Jack. C'est ça, normal. C'est le rhum. Donc, c'est un groupe de punk rock celtique australien originaire de Sydney. Ou Sydney, ça dépend comment on forme. Tiens, tu savais, toi, que Wembley, ben, on dit Wembley, en fait. Ouais. Parce que quand j'étais à Londres, dans le métro, ils disaient Wembley. Et pourtant, on dit jamais Wembley. T'entends toujours les gens dire Wembley. Ouais, c'est très français, ça. Ouais. Toi, tu fais quoi, toi, je vais Wembley, tout ça. Wembley. Donc, originaire de Sydney, formé en 2008 par Frankie McLaughlin au chant et Tin Whistle. Ah, pardon. Oui, au chant et le Tin Whistle. Et Johnny McKelvey à la basse. Quoi? Go. Bah, non, mais c'est le Tin Whistle, ça te... Oui, c'est ça, bah, bien sûr. Et bah, le Tin Whistles, je vois bien que le mot t'a interloqué, comme une facture de téléphone trop importante d'un appel passé vers la Réunion. Alors que tu ne connais personne là-bas. Si, C'est fou, t'as vu? Ah, il trouve pas les mots. Il avait les mots. Bref, le Tin Whistle est un instrument à vent de type bois, et pour t'aider à le visualiser un peu plus, au Québec, elle est appelée la flûte irlandaise. Ah ben oui, tout à fait. Tu vois. Donc, Frankie et Johnny sont ensuite rejoints par Gabriel Whiteburn à la guitare, Anthony Matters à la batterie et Adam Kenny à la mandoline, banjo et au bouzouki. Eh, mais c'est pas un groupe de punk, ça. Le bouzouki. Alors, je n'avais pas prévu d'en parler, mais je vois sur ton visage que l'interrogation est grande. Alors, qu'est-ce qu'un bouzouki? C'est vrai, ça. Dis-nous tout, Jack. Eh bien, c'est juste un instrument de musique très répandu en Grèce. parce que souvent considéré comme l'instrument national. C'est une espèce de luth à manches longues très proche du tambour bulgare ou de la tambouriza, voire du zaz. Zaz. Donc pour The Rum Jack, ça se passe plutôt bien. Après deux EP en 2009, 2010 voit le premier album arriver. Gang of New Holland. On laisse le public en profiter un petit peu, voire un peu plus. Puis le second album ne sortira qu'en 2015, Sober and Godless. Puis un troisième, cette fois en 2016, Sleeping Rough. Plus rien ne les arrête. Et un petit dernier en 2018, Saint Preserve Us. The Rum Jack tourne pas mal et c'est sûrement grâce au titre An Irish Pub Song, dont le clip a été visionné 51 millions de fois, ce qui est à peine plus que l'écoute de notre dernier épisode. Petit bras, petit bras. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le côté bio du groupe. Tout à fait. Sinon, comme je l'ai déjà dit à Bob hors antenne, justement, encore dans le warm-up, j'ai trouvé que c'était un peu un sous Dropkick Murphys. Enfin, j'ai même dit clairement, j'ai dit un mélange. Alors là, attention. Hein. Ouais, ils se tendent des trucs. Là. Alors, un mélange entre Dropkick Murphys, les Ramoneurs de Menhir et Alstorm. Démerdez-vous avec ça, vous mélangez tout, vous secouez un bon coup. Parce qu'il y a beaucoup de Tin Whistle dans The Rum Jack. Ouais. Et je vais pas dire que ça gâche, comme je disais pour Semican, mais des fois, c'est un peu trop. Des fois, autant dans The Irish Pub Song, là, ça marche plutôt bien. Je suis d'accord. Mais il y a d'autres morceaux où c'est un peu en trop et de temps en temps, ça fait truc un peu rajouté. En fait, je trouve que dans l'exercice, si on devait faire une mini comparaison, même si j'aime pas trop, je trouve que Dropkick Murphys s'en sort beaucoup mieux sur la cohérence et la manière de faire leurs morceaux et que The Rum Jack n'est pas encore arrivé à ce point-là. C'est bien, c'est efficace, tu passes un bon moment. Par contre, ça, c'est sûr que... En live, ça doit être super, ça doit être hyper festif et tu dois être super joyeux, un peu à la manière des Dropkick Murphys. Et donc, du coup, c'est plutôt mieux que The Rum Jack soit en Warzone parce que je pense que ça peut créer justement une très bonne ambiance à la Warzone. Ouais. Donc, j'ai bien aimé sans plus. J'irai pas acheter un album parce que j'ai pas les moyens. Ou j'achèterai d'autres albums plutôt que ceux-là d'abord. La Nizerode. Ouais, je pourrais demander. Par contre, je serais très très curieux d'aller les voir, même s'ils ont un peu plus vieilli. J'ai regardé quelques lives, ils sont un petit peu moins énergiques, mais peut-être que ça peut le faire encore. Good. Et toi, qu'en penses-tu donc de Rum Jack ? En fait, Rum Jack, moi j'écoute depuis un moment et je connais sans vraiment connaître parce que j'ai jamais été me dire tiens, j'écoute un album de Rum Jack parce que écoutant Dropkick Murphys et quelques morceaux de punk comme ça dans les compiles, punk de Spotify. Rum Jack passait aussi et du coup je me dis ouais c'est sympa ça dis donc et du coup oui il y a des morceaux que je connais de Rum Jack avant de savoir qu'il passait au fest et je trouvais ça ma foi sympathique et je pense que qu'est-ce que je disais il passait de à 12h15 le vendredi face à Glory Hammer et Orlac voilà après je trouve aussi que le Tin Whistle a tendance à beaucoup diminuer le côté punk. Et que du coup, ça fait vraiment... Ça fait plus chanson à boire. Ouais, un peu. C'est pour ça que je pense qu'il y aura une vraie bonne ambiance. Ouais, mais complètement. Mais je pense qu'on est quand même loin de la puissance d'un Dropkick Murphys, toute proportion gardée. Ouais, mais Dropkick Murphys, à la base, c'est vraiment un punk brut, quoi. Après, ils ont un peu après, changé. Voilà, ils ont changé. Les sonorités irlandaises sont arrivées à partir du quatrième album, vraiment plus prononcées et plus présentes sur l'album. Après, je ne sais pas, je connais pas la discographie de Rum Jack. Est-ce qu'ils ont commencé direct d'entrée, paf, avec le. Il y a du Tin Whistle. Voilà. Mais en fait, le truc, c'est que quand je termine en termes de, je trouve que par exemple, Dropkick Murphys est beaucoup plus taillé pour les main stage, tu vois. Je trouve que ça marche vraiment mieux. Oui, puis c'est déjà d'une, ils sont nombreux les mecs. Déjà. Hein. Et puis c'est un groupe qui existe depuis un bon moment quand même, depuis les années 80, donc du coup... Ils ont pas... ils sont là depuis des petits moments, donc 2008, c'est pareil. Ouais, c'est quand même plus récent, quoi. C'est ce que je dis. Donc voilà, donc j'irai voir, parce que c'est pas désagréable. Je pense pas retourner même écouter après plus tard sur Spotify, ça m'a rien apporté de plus. C'est bien, mais c'est pas... Ouais, un petit midi, ça le fait, quoi. Ah oui, non, ça, c'est très bien. Aller faire le curieux, un petit midi... Vendredi, en Warzone, c'est... très bien, très bien. Très bien, ouais. Très, très bien. Puis, pour le coup, il serait passé en main stage, j'y allais pas. Mais en Warzone, ouais. Ouais. Donc, ouais, très bien. Complètement. Je t'en prie. Mon deuxième groupe, qui fut Cancerbats. Ah. Qui passe le dimanche en Warzone de 16h45 à 17h35 face à Wigadood et Testament. Donc là, normalement, t'as un premier dilemme. C'est-à-dire ? Bah, Wigadood. Ah, Wigadood. Mmh. Ouais, c'est vrai. Ok. Merci à toi. Mais non, parce que du coup, Testament, t'avais trouvé ça bien. Tu me dis, ouais, mais je préfère Cancer Batch. Ouais, mais t'es un connard, ça n'a rien à voir. Et depuis, c'est là qu'on a des yeux au beurre noir. Oui, ça me va plutôt bien autant, d'ailleurs. Ouais, moi, pareil. C'est la dent en moins qui me gêne un peu. Et donc, Cancer Batch. On en parle ou pas ? Bah, je pense, oui. Qui est un groupe canadien. C'est pas grave. Bah non, moi je trouve que j'aime bien. Moi aussi. Même si on peut blâmer le Canada. Qui est un groupe de punk hardcore, sludge metal, metalcore. Tu vois un peu, mec, ce mélange de fou. Ah, mais le côté metalcore, le peu que j'ai écouté... Punk hardcore, sludge metal, metalcore. Bah du coup, c'est comme si tu prenais un éventail et puis tu l'ouvrais. Voilà. Et je fais de la musique, tu fais quoi ? De la musique, te pose pas de questions, moi, c'est de la musique. Voilà, c'est ça. Okay. En activité depuis 2004. Ah, ça te plaît ? Alors oui. Donc voilà, originaire de Toronto, le groupe se compose actuellement du chanteur Liam Cormier à la guitare, Scott Middleton, du batteur Mike Peters et du bassiste J.R. Swartzer. Voilà. Influencé par le sous-genre du heavy metal, qu'il mélange à du punk hardcore et du punk rock, en plus d'utiliser des éléments de sludge metal et de rock sudiste. La musique. Les mecs... Ils font de la musique. Voilà. Donc, ils ont 6 albums. Bien. Ce qui est bien. Donc ça comprend quelques EP, ouais. De pas mal de morceaux quand même. Mm-hmm. Franchement, pour avoir écouté, j'ai écouté 4 albums, je crois. Quand même. Eh bah putain. C'est bien. Ah ouais. Moi j'ai posté justement la reprise des Beastie Boys. Ouais, ouais, bah c'est vrai. Sabotage. Sabotage. Le clip est assez drôle d'ailleurs. C'est pas mal. Ça envoie carrément bien. Mm-hmm. Et. Moi, c'est sûr, j'irai les voir. Ah ouais ? Ouais. Ah, donc là, on est sûr. En Warzone, ouais, c'est sûr, je vais aller les voir. Arrête, ouais. Je connais ce regard, là. Là, t'es en mode acheter, là. Non, je suis pas en mode acheter. Ah, t'es en mode acheter. Là. Non, parce qu'il faut vraiment que j'arrive à bien connaître les albums, parce que j'ai écouté... Ah, t'es en mode acheter. J'ai écouté en version Road to Hellfest. Ça veut dire que tu vas pas aller voir Wigadood ? Ouais, je crois pas, non. Et Testament ? Bah, en main stage, Testament. C'est ça le problème. Je sais. Il y a un bon groupe qui passe en Warzone, je vais aller en Warzone. C'est vrai. C'est en Serbats. D'accord. Donc voilà. Et ben moi aussi j'ai bien aimé, hein, de peu que j'ai écouté, j'ai trouvé ça très très bien, ça m'a donné un peu envie d'écouter autrement. Et j'ai pas assez approfondi Testament, je suis assez intéressé, mais malheureusement la scène va jouer sur ce côté-là. Ouais. Après, il y aura peut-être énormément de monde à Wigadood et personne en main stage. Hein. Faut qu'on arrête avec ça, le Wigadood, ils vont croire qu'on se fout de leur gueule alors que c'est pas du tout le cas. Quoi. Non. Puis c'est toi en plus. Hein, moi je les aime bien. Mais parce que toi t'aimes tout le monde, tu n'es qu'amour. C'est ça. D'accord. Autre chose à dire ? Non, c'est bien. Faut écouter Cancer Batch. Faut écouter Cancer Batch. D'accord, ouais. On va. Il y a plein de choses à dire. Hein, parce qu'ils ont une bio assez. Mais c'est bien. D'accord. Et je vais passer à mon troisième groupe alors. Pas du tout, mon deuxième groupe. Ah ouais, déjà ? Hop, ça file quand même. Je vais passer à Glory Hammer. Alors, Glory Hammer, pour tout dire, il passe le vendredi encore, ouais. En main stage, hein, et oui. Pour préciser. C'est vrai. De midi 15 à midi 45. Mm-hmm. Et en face, il y a The Rum Jacks et Aaron Lack, du coup. Alors... Parce qu'on en parlait tout à l'heure. C'était quoi ça ? Ça fait peur. Je sais pas vous comment vous l'avez entendu, mais ici, ça, c'est... Un crissement de pneus. On aurait dit du Walking Dead. Ouais, je sais pas. C'est Toxic West qui sont en train de faire de la moto dans mon salon. Ça va ? Du coup, accroche-toi à ton slip, car là, tu vas être surpris. Ah ouais ? Ouais. Attends. Bah, je porte pas de slip. Bah, accroche-toi à ce que tu peux. Donc, Glory Hammer, ou le marteau de la gloire, est un groupe de power metal britannique originaire de l'Écosse. C'est ça. Formé en 2010, le groupe joue un power metal à tendance médiévale. En 2010 ? Ouais. Un power metal à tendance médiévale, metal. Tant au niveau visuel, le chanteur porte ce que j'appelle une armure et un marteau, que musical. Est-ce que t'es prêt ? T'es prêt ou pas ? Oh putain. Vas-y, go. Formé en 2010 comme projet parallèle du claviériste et chanteur Christopher Bowes du groupe de pirate metal Alstorm, il s'entoure de 4 autres compères pour créer son groupe d'heroic fantasy power metal. Sérieusement ? Sérieusement. Tu sais que j'ai relu 4 fois le truc, j'ai été voir des lives, j'ai regardé sa gueule. Putain, mais c'est lui ! Mais il a pas du tout le costume qu'il a dans Alstorm. Donc, mais c'est, ouais, c'est lui, ouais. D'accord. Il est claviériste dans Glory Hammer. Et c'est lui qui a eu... avec d'autres gens, ouais. Ils enregistrent rapidement une démo de 3 titres, mais qui n'est pas publiée. Napalm Death les signe courant 2012. Ils en profitent pour sortir leur premier album cette même année, Tales from the Kingdom of Fif. S'ensuit une tournée parce qu'il n'y a que ça, il n'y a que ça de vrai. Puis c'est retour en studio pour mettre en boîte leur second album qui sortira en 2015, Rise of Chaos Wizard. Et on repart en tournée parce qu'il n'y a que ça de vrai. Et nous voilà déjà en 2019 avec un nouveau single paru le 12 avril au doux nom de Glory Hammer. Glory Hammer. Et j'ai pas écouté, donc je pourrais pas chanter avec toi. Et qui laisse présager un futur nouvel album. Allez, soyons fous, je piffe que le prochain Glory Hammer s'appellera Legend from Beyond the Galactic Terror Vortex. Ouais. Et qui sortira cette année. Donc, je t'avais déjà dit, encore une fois en voiture, que je pensais que c'était un groupe un peu parodique. Donc, en fait, je pense qu'il y a juste le côté décalé plus que parodique. Ouais. Parce que ça reste du vrai power metal. Et que. Bon, alors clairement, j'ai pas aimé, dans le sens, voilà, c'est pas pour moi, ou alors faut vraiment le prendre au 14e degré, et là tu passes un meilleur moment, mais le problème c'est que j'ai du mal à écouter de la musique au 14e degré, sauf peut-être, alors, ce qui est paradoxal, parce que des fois j'écoute Ultra Vomit et ça passe, donc, mais peut-être parce que dans le côté musical d'Ultra Vomit, les morceaux sont hyper carrés et que ça marche quand même, quoi. Ouais, et puis musicalement, c'est, oui, mais après, c'est efficace, c'est changeant. Ouais, voilà. Il n'y a pas vraiment une thématique, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup... si je devais faire un... Forcément, moi, j'ai tendance à faire une comparaison avec les autres groupes. Donc, entre Powerwolf et Sabaton, bah, je dirais que Powerwolf, j'aime bien, mais j'aime vraiment bien. C'est-à-dire, je peux écouter en ne trouvant pas ça désagréable. Sabaton, il y a beaucoup trop de char pour moi. Et Glory Hammer, je le mettrais quand même du côté de Sabaton parce que j'ai beau avoir de l'humour et du décalage et tout ça, c'était dur d'écouter les albums... Même si je voyais les côtés amusants et tout ça, mais en fait, j'ai pas de moment où j'écoute la musique en déconnant. Ou... La musique, comme tu disais tout à l'heure, c'est un sentiment, et pour moi, là, quelque part, d'une certaine façon, la musique, il faut que ça ait un côté sérieux. Alors, je dis pas, dans un festival où t'as envie de déconner, que tu peux passer un bon moment à fond, mais là, il y aura The Rum Jack en face, donc je préfère aller prendre une bonne ambiance de Rum Jack plutôt que de regarder Glory Hammer, quoi. Même si je reconnais que c'est super délirant et que le chanteur il est à fond avec son armure et son marteau, voilà, mais c'est un délire qui est pas pour moi en fait. Ouais. Ça va hyper bien marcher en main stage, ça va faire le feu de ouf, mais c'est pas pour moi. Et le peu que je t'ai fait écouter, t'en as pensé quoi ? Je m'en rappelle pas. Voilà. Et c'est tu n'avais pas bu. En plus, ouais. Donc c'est quand même assez fou. Mais pas du tout. Donc ouais. Du coup, ouais, c'est. C'est pas grave. C'est pas fifou. Ah non. Du fifou. Coup. On passe à ton troisième groupe. Mon troisième groupe, qui est Outie. Ah, t'attaques le groupe tant attendu depuis au moins 14 ans que le Hellfest n'existe pas, du coup, depuis 14 ans. Mais bon, c'est le groupe qu'on entend parler tous les ans. Tool. Vous serez. Bah, et fait, du coup. En fait, ça va être la 14e année du Hellfest. C'est pour ça. Tu vois, comme quoi. Alors, Tool. Investigation, toujours. Hein, c'est ça, non, mais écoute, même quand je dors, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais alors, Tool, qui est un groupe américain. Et ça, je le sais, tu le sais, nous le sachons, vous le sachez, ils le sachent. C'est vrai. Metal progressif, rock progressif, metal alternatif, pardon. Foutu dyslexie. Oui, c'est fou. Et art rock. Et art rock. Art rock. Ce n'est pas du hard rock, c'est du art rock. Mm-hmm. Donc, début de l'activité de Tool en tant que groupe, 1990. Mm-hmm. Certains n'étaient pas nés. Hein. Voilà, voilà. Donc, ils sont originaires de Los Angeles, mm-hmm. en Thaïlande du Sud. Exact. Formé en 90 par le chanteur Maynard James Kennan, mm-hmm. le guitariste Adam Jones, le batteur Danny Carey et le bassiste Paul D'Amour. Bah tiens donc. Mais vraiment D'Amour, hein. D'Amour avec des apostrophes, amour. Ouais bah écoute. Paul D'Amour. Ce dernier quitte le groupe en 95 pour être remplacé par Justin Chancellor, mm-hmm. du groupe britannique Pitch, peu de temps avant l'enregistrement de leur deuxième album Hey Nima. D'accord. Il aura fait qu'un album et quelques EP. C'est pas mal déjà. Pour dire. Ce groupe emprunte au heavy metal sa puissance, au rock progressif sa charge d'émotion et au rock psychédélique la capacité de créer une atmosphère pleine et envoûtante. C'est plutôt vrai, non ? Ils publient leur premier album studio, Under Tao, en 93, suivi en 96 d'un deuxième album intitulé Anima. J'en parlais. Il y a deux secondes. Il y a deux secondes. Qui fera connaître le groupe dans la scène du métal alternatif. Il se popularise encore plus avec la sortie de Lateralus en 2001 et de 10 000 Days en 2006. 10 000. Je t'ai tout dit en anglais, mais je pense pas qu'ils disent 10 000 Days. Ouais, mais 10 000 jours. Ouais, c'est mieux. Donc, je ne vais pas vous lire la biographie parce qu'elle fut longue. Très, très longue, hein, forcément. Hein. 90. Oui, enfin, ils ont quand même eu beaucoup d'inactivité quand même. Oui, oui, ils ont eu beaucoup d'inactivité. Donc, 2006, 2007, 2001, 2005. Bon, en même temps, ça va, c'est assez correct. Hein. Ils ont repris en 96, 96, 2000. Mais ouais, non, donc. Voilà. Et donc. Est-ce que ça fait pas un peu longtemps qu'on a attendu Tool ? Eh bien justement, c'est qu'est-ce que je disais tout à l'heure, ça fait très très longtemps. Alors pour ma part, je connaissais un album de Tool, mais depuis sa sortie en fait, 96, qui est le deuxième album ouais. que j'avais écouté, et que je n'ai pas réécouté depuis que je l'ai acheté. Donc en fait, ça a été une redécouverte ah, oui, d'accord. pour ma part. D'accord, oui, d'accord. Ouais. Je l'ai écouté quand il est sorti oui, en 96. Oui, oui, pas à l'époque. Et du coup, je l'ai réécouté parce que je l'ai acheté. Et t'as pris une claque. Et je me suis dit, waouh. En fait, c'est pas vraiment Anima qui m'a mis une claque. C'est le premier album. Undertale. Et encore plus, c'est le EP que je t'ai ah, montré. Ah oui ouais. Bah, en fait, c'est juste avant les premiers albums. Ouais. Ils avaient sorti ce EP-là. Et je me suis dit, waouh. Ouais, excellent. Mais après, ouais, le deuxième album, le premier album, studio... C'est là quoi, je me suis dit, putain. Là, la batterie, ouais. Ah bah. Quand tu m'as dit alors la batterie, je fais ouais, la batterie grave. Le deuxième m'a moins hypé. Et après, j'ai réécouté le troisième album. Et du coup, faut que je réécoute parce que c'est, voilà, mes écoutes, comme je t'ai dit, sont assez. Elles sont assez bien. Espacées, on va dire. Tu les censures, c'est bien. C'est ça. Ouais, je les censure. Mais très très bien, bonne découverte. J'ai même appris que Monsieur James Maynard James Kennan a officié dans un groupe que je suis depuis des années, qui est Green Jello. Et en fait, ça a été ça, apparemment sa première tentative au chant. Bah, je sais. Dans les années 80, je crois que c'est en 80 ou 81, je sais plus. Bah, je sais, moi qui fais partie de plein de groupes, ouais. dont Perfect Circle et Pucifer. Oui, Pucifer, que toi tu n'avais pas trop kiffé en concert et que moi j'avais adoré. Surkiffé de chez sûr. En fait, Pucifer, il voit ça comme son groupe de lâchage. Ah non, mais c'est clair. Mais j'ai parce surkiffé. Que justement, il disait que A Perfect Circle, c'est trop carré, trop propre et il est trop concentré sur ce qu'il fait pour Perfect Circle, mais avec Pucifer, il se lâche totalement. Quoi, et du coup, c'est son groupe de décompression. Ouais. Et Tool, c'est trop. Voilà. Tool, c'est Tool. Quoi. Ah bah, Est-ce que... C'est son premier groupe. C'est con, mais moi, quand j'écoute Tool, j'ai vraiment l'impression de voir un truc qui est genre au-dessus du lot, quoi, vraiment, parce que je trouve que... Musicalement, c'est assez... moi, quand ils mettent art rock, je suis totalement d'accord avec ça, quoi. C'est, je suis assez d'accord. J'ai même vu une vidéo sur YouTube. Enfin, j'ai pas vu la vidéo, en fait. Je voulais la voir, mais je lui ai dit, oh putain, ça dure trop longtemps, je vais pas avoir le temps. En fait, il compare avec une... Il montre une vidéo, de Keenan au chant, et il demande à une prof de chant de décrire. Donc je vais regarder la vidéo, j'en parlerai la prochaine fois. Mais je pense que ça peut être intéressant. Ah, c'est vrai qu'il a... Non, mais ils sont tous bons, quoi. Donc, puis ça joue sur plein de trucs. Et d'ailleurs, il y a un des membres, je sais plus lequel, mais il est aussi graphiste et tout, et c'est lui qui fait les clips et tout, qui fait le... Ouais, mais c'est vraiment de l'art rock. Puis c'est technique, et puis tu vois bien que... Mecs se lâchent quand même, quoi. Ouais, voilà, c'est de la musique. Ouais. C'est au sens propre du terme, quoi. Du coup, ma question, elle est là. Donc, tu avais dit que tu en achèterais et tu l'as fait. Est-ce que maintenant, tu en achèteras d'autres? J'essaierai de trouver les autres albums, déjà. Et est-ce que tu iras les voir? Oui. Tu penses que c'est obligatoire, hein? Je pense, ouais. D'ailleurs, j'ai pas dit. Ils passent le dimanche en Main Stage 2. Oh, je me suis trompé dans les heures. À 10h30. J'ai mis midi 50, 13h30. Non, je pense que c'est des têtes d'affiche. Donc c'est pour ça que j'ai... plutôt le soir. Écoute, je vais utiliser la formidable appli du Hellfest qui sert un peu à ça. Donc, je vais taper un doute. Tool dans la barre de recherche. Tool passe le dimanche 23 juin à minuit 20 jusqu'à 2h05. Donc on est quand même sur un gros truc. Et du coup, est-ce qu'il passe bien avec les bons groupes que j'ai mis en face ou je me suis complètement gaufré? Non, il passe apparemment bien face à Tormentor et Enter Shikari. Bon, c'est bon. C'est réglé pour toi? Disons que si j'ai les deux autres groupes, je les écouterai après le festival. Comme ça. Pour être sûr. Voilà. Ah non, tout le... Puis tu sais que ça fait longtemps qu'ils essayent de les avoir. Et que... c'est pour ça. Non, tout le... Je pense que je les reverrai certainement pas. Certainement pas. Ou alors vraiment en salle à Paris, mais c'est pas... En plus, je crois que c'est la seule date française qu'ils font. Mais je crois, oui. Ouais, donc c'est puissant tout ça, c'est vraiment... Et puis c'est hyper dur à décrire parce que... Enfin, alors là, ça fait un peu peut-être un peu nul ce que je veux dire, mais ça ressemble pas à des choses que t'as déjà écoutées. Donc... moi, je suis assez fan de justement ce côté très recherche dans la musique. Et tu sens que c'est pas juste... genre le projet d'un homme qui s'entoure de musiciens pour l'accompagner, tu sens que c'est tous des bêtes, quoi. Donc même quand t'écoutes, tu peux pas dire ah putain, mais c'est facile. Et pourtant je trouve que ça a pas le côté difficile d'accès que parfois peut avoir le progressif. Je trouve pas ça difficile d'accès. C'est pas difficile d'accès, mais il y a des fois quand même c'est assez ça demande un peu d'investigation, mais pas forcément. Si t'es pas attends soit peu, on va dire pour moi, c'est une émotion. Et du coup, ça joue vachement sur ce côté-là. Et je c'est crois ça que j'aime bien. Je crois que c'est sur le dernier album. Je sais pas si tu as vu ça ou j'en ai déjà parlé peut-être ici, je sais plus. Mais il y a 3 morceaux sur le dernier album que tu peux superposer pour avoir un nouveau morceau. Ah ouais? Qui n'apporte strictement rien. Oui. Mais c'est possible, en fait. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Ce qui est en plus, techniquement... Il faut le faire au moins une fois. Tu tapes sur YouTube, tu peux l'écouter le morceau, il y a déjà. Ah d'accord. Il y a quelqu'un qui l'a fait en disant c'est pas si simple. Oui. Donc autant. Oui. Voilà. Bon, très bien, quelque chose à ajouter? Il y a tellement de choses à ajouter que. Non, pas pour l'instant. Donc tu recommandes aux gens d'aller écouter? Je pense, ouais. Enfin, après, Tu te rends bien compte que ça va être blindé, mais que c'est obligatoire. Ouais, mais là, non, je vais tenter le coup quand même. Là, c'est un peu un. Ouais. Je comprends. Je comprends. Eh ben, comme ça, j'ai déjà été voir des groupes en main stage. C'est vrai? Ça m'est arrivé. Parce que j'aime bien ce groupe, alors du coup, je tente le coup quand même. Même si c'est peine perdue de me dire. Faut y aller, quoi. Et imagine si je joue des nouveaux morceaux. Oh là là, t'imagines? Allez hop, là c'est bon, c'est pour moi, c'est cadeau, bière pour tous. Au moins pour moi. Oui, on est que deux là, je te rappelle. Oui. Pour nous tous, quoi. Nous tous. Dans la pièce. Voilà. Ouais. Donc, j'ai passé à mon troisième groupe, qui est Moonspell. Ah ouais? Et qui va subir le syndrome de King Diamond. Je vais m'expliquer après. Donc, Moonspell, qui veut dire sort de lune. Et qui passe. le samedi, en halte, de 17h40 à 18h30. En face, il y a Kevin et Eagles of Death Metal à cheval sur Deadland Ritual. Très très bien. Bon, bah, je sais pas. Alors, c'est un groupe de métal gothique portugais originaire d'Amadora, formé en 1989. Ah, quand même. Est-ce que tu veux en savoir plus sur Amadora? Parce que tu es féru de géo et que malheureusement, la vie de tous les jours t'empêche de t'adonner à cette passion. De géologie. Non, de géographie. Ah. Que nenni! Amadora est une ville du où Conselho, en portugais, située dans le district ou districto de la région de Lisbonne. C'est la quatrième municipalité la plus peuplée du Portugal et aussi l'une des plus petites, avec une superficie de 23,77 km². Ce qui en fait, et cela coule de sens, la municipalité, ou municipio, avec la plus forte densité de population du pays. J'espère que te voilà rassasié. Alors en fait, il est parti pisser dans l'évier. Hein. Je vous dis ça parce que je suis tout seul. Ou alors il est parti ailleurs. Du coup, c'est embêtant parce que si je parle d'un groupe et qu'il n'est pas là, ben, je ne vais pas me répéter quand il va revenir. Je vais attendre qu'il revienne. En tout cas, j'espère que vous, ça va. Moi, ça va. Et le revoilà. Wouh ! Merci, Bob. Mais bien sûr, Jack. Je suis rassasié. Eh ben, ça me fait bien plaisir. Donc, Moonspell, qui je le rappelle est un groupe de métal gothique, mais dont le style musical fluctue, j'aime bien le mot, selon les chansons ou les albums. Et cela varie entre le black metal, le metal avant-gardiste et le death metal. Du fait de son succès au niveau international, Moonspell est considéré comme le représentant de la scène metal portugaise. Formé en 89 sous le nom de Morbid God par Fernando Ribeiro, chanteur et aucun lien avec Alfonso, les vrais savent. Ares, bassiste et aucun lien avec le dieu, le groupe officiait initialement dans le registre black metal, mais leur style va évoluer au fur et à mesure dès la sortie des démos et EP. En 92, le groupe est rebaptisé sous son nom actuel. En 93, est publiée la démo Anno Satanae. En 94, sort Under the Moonspell, premier album, mais un peu EP quand même. 1995, premier vrai album avec Wolfheart. 96, premier succès avec l'album Irreligious et le titre Opium, largement diffusé, qui devient l'un des titres les plus connus du groupe. Ça te parle ? Opium ? Ouais. Non. Non, mais il le dit un peu comme ça en plus. 98-2000, c'est le début des expérimentations avec les albums Sin Pecado et The Butterfly Effect, orientés métal avant-gardiste. Donc là où ça se complique, en parallèle, et parce qu'il faut bien s'occuper, le groupe sort un album de black metal sous le nom de Demonarch, et où Fernando se fait appeler Long Sweetheart, et avec une boîte à rythme à la place du batteur, et une reprise de batterie, c'est pour les fans. Et ils font un album, et ils s'arrêtent là. Ouais, bah après, c'était leur délire. Ils se sont occupés, quoi. Ouais, voilà. 2001, l'album Darkness and Hope. 2003, l'album The Antidote, qui est à l'origine du roman du même nom de l'écrivain José Luis Peixoto. Alors, je ne sais pas si c'est l'album qui a influencé le roman ou les deux ont travaillé ensemble, mais voilà, c'est lié. 2007, le groupe reprend ses chansons du début de sa carrière avec un son plus moderne. 2012, sortie de Alpha Noir avec pour particularité dans sa version collector d'avoir son antithèse Omega White. Donc là où Alpha Noir se veut un album résolument énergique et dans lequel le chant guttural et les riffs puissants et saturés sont omniprésents, Omega White rassemble au contraire toutes les influences gothiques du groupe. Donc t'as un album, et dans la version collector, t'as un autre album qui est totalement en opposition. Et enfin, 2017, 1755, un album dont le concept tourne autour du séisme de Lisbonne en 1755. Au final, Moonspell, c'est un groupe avec plein d'idées et de concepts, des EP, un disque mi-album mi-EP, un DVD live et 11 albums studio. Alors j'ai résumé un peu, mais quand je dis en fait que c'est le syndrome Kim Diamond, c'est parce qu'en fait, tout ce qui entoure le groupe est super intéressant. Que je trouve que t'as un vrai groupe en fait. Ouais, ouais. Les mecs ils tentent des trucs, ils font des machins. Y a pas, genre, ils sortent pas juste un album pour dire. Mmh. Et le problème c'est que comme King Diamond en fait, musicalement j'aime pas. Oh merde. Fais pas du tout. Je veux dire, après, merde. Le premier. Non, mais je suis hyper déçu en fait parce que public, je suis hyper intéressé par tout. Je trouve que c'est faire un album sur un séisme, je trouve ça top. Faire un album doublé avec son antagoniste, je trouve ça sympa. Un album qui a donné lieu aussi à un roman. Enfin, tout, tout est super intéressant, sauf que musicalement, je peux pas. Enfin, c'est pas forcément musicalement. J'ai beaucoup de problèmes avec le chanteur et sa manière de chanter. Alors, dans la première période du groupe, c'est vraiment, c'est Opium. En fait, il chante un peu comme le chanteur de Rammstein. Tu sais, le style de voix un peu... Ouais, ouais. C'est, ça fait un peu opéra. Très haut dans les octaves. Et, mais pas forcément aigu à la King Diamond, mais ouais. Très haut et... Mais très posé, comme ça. Et ça fait très bizarre et ça marche pas du tout avec moi. Ça marche mieux vers la fin, mais sauf pour le coup, je trouve ça presque trop pop. Et en fait, je trouve pas du tout le bon équilibre. Et à aucun moment où la musique et le chant match d'une bonne manière pour moi. Et du coup, il n'y a pas grand-chose que j'ai aimé. Il y a peut-être un titre à un moment donné, je fais « Ah, tiens, c'est pas mal !» Mais vraiment, je n'ai pas du tout aimé ce que j'ai écouté. Enfin, en gros, ce n'était pas vraiment « j'ai pas aimé », c'est que je me suis vraiment dit « Non, ce n'est pas pour moi !» Tu sais, je ne me suis jamais dit « Ah, c'est nul !» Je n'ai pas eu le syndrome amarante. Je me suis vraiment dit « Ce n'était pas pour moi !» Pas pour moi, et pourtant, je suis hyper déçu, parce que ça m'intéresse. Ouais. Tout comme toutes les histoires de King Diamond dans ses albums m'intéressent. Et voilà, musicalement, ça ne le fait pas pour moi. Ouais. Donc, bah. Ouais, c'est dommage. Donc, alors, la question c'est est-ce que j'irai. Est-ce que j'achèterai pas de CD ? Bon, ça c'est sûr. Oui, oui. Est-ce que j'irai les voir ? Bah, vu ce que tu m'as dit qu'il y avait en face, il nous reste encore Kevin à découvrir. Il galope death metal, j'aime pas trop. Et je suis un peu fâché contre le chanteur. Donc, donc, je sais pas. Pour l'instant, je te dirais non ou pourquoi pas. Ça va dépendre des autres. Et voilà, donc c'est un peu ma déception de la semaine parce que c'est un groupe que je connais depuis des années au nom du nom. Du nom, ouais. Qui était toujours présent. Et là, j'en ai rien retiré, quoi. Je fais, ah ben, voilà, c'est pas pour moi. Tu l'as, tu le découvres et en fait, bim, quoi. Ouais, mais pourtant, je trouve qu'il y a plein de trucs, quoi. Et là, je suis déçu. Ouais. Donc, voilà. Maintenant, la question qui se pose, c'est ta quête, c'est trouver le groupe qui match à 100%, quoi. Qui fait plein de trucs vachement intéressants, qui bosse à mort sur plein de projets, machin, truc vachement chouette, et qu'en plus la musique te plaise. Ah ouais, je l'ai peut-être déjà trouvé, j'ai oublié, mais c'est vrai que là je vois pas, mais c'est vrai que ça. Ouais. Mais c'est un peu, c'est dommage parce que c'est. Il y avait plein de trucs intéressants, je trouve. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire. À découvrir. Ouais, à lire tout ça, ça m'était intéressant. Ouais. Ouais, ouais. Ce qui est dommage, c'est que c'est quand même un groupe de musique, et du coup le principal ne te plaît pas. Ah oui. Enfin, n'est pas pour moi. N'est pas pour toi. Oui. Bah, ça te plaît pas, quoi, du coup. C'est ça. Appelons un chat un chat. C'est ça, exactement. Je te demande pas si t'as écouté. Non. Je te ferai écouter Opium tout à l'heure, ça suffira. Ouais. Enfin, t'auras une image, parce qu'il chante plus tout à fait comme ça maintenant, mais t'auras une image, déjà. Ouais. Ok. Voilà. Tu passes à ton dernier groupe. Merci, à toi. C'est un plaisir. Eh bien, mon dernier groupe... qui est Necromancer. Qui jouera le vendredi sous la vallée de 10h30 à 11h face à Freto et The Voice of Hell, les winners. Et là ça pue. Il fait une moue parce que déjà de base, on pouvait dire Necromancer et Vallée, c'était un peu gagné. Mais il y a Freto. Freto qui passe en... Altar, je crois. Comme je le disais la dernière fois, on l'a déjà fait. Ouais, on l'a déjà fait. Ça va être compliqué, mais voilà. Je suis surpris d'ailleurs que t'aies pas acheté l'album de Freto. Pas encore. Pas encore. À voir, mais c'est toujours pareil, il faut que j'écoute, mais le temps passe tellement vite. Je t'en prie. Alors, que peut-on dire de The Necromancer ? Qui joue le vendredi sous la vallée. Eh bien déjà... Cocorico ! Voilà ! Tout simplement. Je ne l'ai pas vu venir. Car c'est à Poitiers, en 2015, que si... Alors, mes sources sont de Métallurgie. Très bien. Alors, je préfère le préciser. C'est à Poitiers, en 2015, que Simon Évariste à la basse, Benjamin Rousseau à la batterie, Robin Genet, je pense, à la guitare, et Tom Cornière-David à la guitare et au chant, fondent le groupe de Heavy Doom Hard Rock, rien que ça, The Necromancer. Le groupe tourne beaucoup et se fait connaître dans le milieu stoner doom rapidement. Un premier effort intitulé Servant of the Salem Girl sort en 2017 chez Ripple Music, concrétisant leur effort depuis leur début. Un second album, Of Blood and Wine, arrive dans la foulée en 2018. Donc voilà, deux albums en deux ans. D'accord. Alors, que dire ? Attends, avant toute chose, je t'assure, c'est un groupe qui nous a, enfin, qui m'a été recommandé par Julien aussi, qui a beaucoup aimé. Voilà. Eh ben, ouais, franchement, ouais, c'est à recommander. Alors, j'ai écouté les deux albums, forcément, hein, c'est pas compliqué à ce niveau-là. J'ai été agréablement surpris par certains titres, assez troublé par d'autres, et assez surpris par d'autres. Par ne serait-ce que le chant et la manière d'amener le morceau en lui-même. J'avais l'impression d'entendre du Ghost, en fait. Ah ouais ? Ouais. En plus calme, plus posé, ouais. Mais j'avais vraiment l'impression d'entendre du Ghost. Et t'as un mélange, en fait, vraiment, comme j'ai dit, quoi. Il y a du stoner, du heavy, et tout match bien. Et ça fait un putain de bon groupe, quoi. Et du coup... C'est bien. Ouais. Ouais, c'est bien. The Necromancer, c'est bien. T'as de tout, en fait. T'as de l'énergie, t'as de la mélancolie, et tout match bien, quoi. L'album est en dents de scie, on va dire, mais ça passe. Voilà. D'accord. C'est une mélancolie brutale, je dirais. Ah ouais. Ouais. Ok. Je trouve ça propre. Ouais, j'aime bien. Franchement, c'est très très bon. Est-ce que tu achèterais un CD ? Eh bien, je te dirais. Pourquoi pas, je les réécouterai, mais ouais, pourquoi pas. Et est-ce que tu iras les voir ? Eh ben justement. Là. Quand je les ai écoutés, je fais putain, ouais, grave. En plus, j'ai regardé, je suis sans valet, c'est bon, ça le fait, quoi. Et puis là. Et puis là, j'ai vu Fréto, quoi. Je fais merde, fais chier. Alors, du coup, je sais pas, je me tâte. C'est toujours pareil. Les tentes sont pas loin l'une de l'autre, je pense que je peux faire les deux. D'accord. Mais voilà, il y a peut-être des morceaux qui vont être plus... Enfin, tu vois, c'est ça le dilemme. C'est, je vais partir, il y aura peut-être un morceau qui va jouer, oui. Qui va m'attirer. Il va me dire, ah, putain, ce morceau puis... C'est mon préféré. Voilà, donc c'est compliqué. C'est toujours un peu compliqué. C'est compliqué. C'est toujours un peu compliqué. Très bien, d'accord. Bah, moi, j'ai écouté vite fait. C'est vrai que j'ai bien aimé le peu que j'ai écouté. De manière, je te l'avais dit, hein, je t'ai envoyé un message. J'ai dit, putain, tous tes groupes sont bien. Donc, Ben ouais, ouais. Donc plutôt cool. Et ben d'accord. Moi, pour ma part, je sais pas parce que j'ai beaucoup aimé aussi Fréto. Donc, ouais. Après, on sait pas. Attends, peut-être que le Voice of Hell va tous nous mettre d'accord. Donc, bon, non. Il y a peu de chance. D'accord. Pour ma part. Même si c'est un très bon groupe, mais ça reste la main stage. Ah, c'est vrai que c'est toujours un petit problème. Bon. Non, pas pour moi. Enfin, après. Ça dépend quoi. Mais si, ça reste un problème, regarde. Oui, ça reste un problème. Il y a Lamb of God qui passe en main stage, t'es pas joyeux. T'as Clutch qui est en main stage, t'es pas joyeux. Ah là, par contre, non, je suis pas joyeux. Mais Lamb of God, c'est légitime. Lamb of God, ils vont passer que en main stage. Oui, mais c'est un groupe de main stage. Mais Clutch, je les ai vus 3 ou 4 fois. À chaque fois, je les ai vus en vallée. À chaque fois, ça a été génial. Et on se souvient tous de l'épisode Red Fang. Voilà, c'est ça aussi. Donc du coup, c'est pas que le fait qu'ils passent en main stage ou que ce soit la main stage. C'est le fait que pour moi, Clutch, c'est pas un groupe de grosse, grande envergure comme peut l'être des Lamb of God ou des Mastodon, éventuellement. Et encore que Mastodon, on les a vus en vallée, et c'était génial. Mais voilà. C'est plus un groupe d'une bonne scène, comme la vallée, justement. Quoi. D'accord. Que... Très bien, très bien. Eh bien, merci à toi. Mais voilà, pour Necromancer et Fréto, je sais pas. Je passe à mon dernier groupe. Parce que passe ça à ton dernier ça groupe. Ça va déjà faire... Ça file. 1h33 qu'on enregistre. C'est bien. Oui, c'est parce qu'après, il faut qu'on tire au sort et qu'on rentre. C'est ça. J'aille me coucher. Je récupère des heures de sommeil. Donc, mon dernier groupe, c'est Gold. Quoi ? La blague. Je pensais que tu allais reposter un autre groupe. Enfin, un autre morceau du groupe, en fait, Gold. Ah, mais du vrai morceau. Enfin, du vrai groupe. Bah, je l'ai fait. En fait, il suffit de cliquer dessus, c'est pas du tout... Ah d'accord. Aïe, j'ai fait un mind game, j'ai laissé l'image, mais en fait, c'est le vrai groupe. Mais, mais les gens, ils sont... Ah mais les gens vont se faire avoir, c'est sûr. Non, non, mais justement, quoi, vaut mieux se faire avoir dans ce sens-là que dans l'autre, mais t'as laissé, c'était quoi Au plus près des étoiles. Ouais, c'est ça, un peu plus près des étoiles. Mais les gens qui... Enfin, il y en a qui connaissent pas Gold, parce qu'ils sont trop jeunes, mais nous, en tant que... Mais c'est vrai que j'ai laissé. D'accord. Je trouvais ça marrant. Mais moi, j'ai pas cliqué. Hein. Non, je me doute. J'ai un peu plus près des étoiles, ça va, quoi. Nostalgie, tout ça. C'est bon, quoi. Et du coup, ça passe où, Gold ? Je sais pas. Bah, tu regardes. Ça passe le dimanche, déjà. Déjà. Et pas où, quand ? En Valais. D'accord. De 11h40 à 12h10. Ok. Encore un petit set d'une demi-heure. Et en face, il y a Nova Twins et Psychroptic. Oui. que j'ai déjà chroniqué. Tout à fait. J'en rappelle de ce nom. Alors, bah, je vais parler un peu de Gold. Gold est un groupe de rock français originaire de Toulouse. Ah, Toulouse. Il connaît ça un fait succès. 1h35 qu'on enregistre là. Il connaît un succès national dans les années 80 et décolle vraiment avec le tube plus près des étoiles. Et en 90, ah, t'es chiant, là. C'est le drame. C'est le départ d'Émile Vandemeer. Et il forme Émile et Images. Non, c'est bien plus tard ça. Ah, c'est bien plus tard. Je sais pas, moi, j'en sais un. Non, mais c'est tout. Quand ils passeront, c'est tout, c'est tout pour la blague. Voilà. Donc. Et plus sérieusement, Gold, écrit tout en majuscules, c'est les seules différences que j'ai vues pour les... Parce ouais. que... est un groupe d'avant-garde de dark rock venant de Rotterdam aux Pays-Bas. Je n'ai pas trouvé de date de formation parce que Gold, la version avec Emile, bloque tout Internet. En fait, dès que tu tapes Gold, tu tombes sur ce Gold-là. Après, peut-être que dans un autre pays, tu vois, peut-être que c'est orienté... Ouais. Je suis bref. En Deutschland. Ouais. Bon, mais je dirais que ça se situe entre avant 2012 et la sortie d'un EP et de leur premier album. Qui était en 2012. Okay. Interbellum. Donc une plutôt grosse année. Parce que 2012, tu t'auras un EP, un album, c'est que déjà tu tapes dedans. Ouais, puis bonne année. Ouais. 2015, No Image, second album. 2017, l'album le mieux reçu est le. No Image. Ouais, No Image, il a pas ça de. Eux. Ouais. Gold, No Image. Oui. Après qu'il forme Émile et Images, du coup. Ça n'a aucun lien. Ça n'a aucun lien. Second image. C'est étrange, quand même. Mais c'est vrai, je l'avoue. 2010. J'avais pas du tout fait le lien. Ouais, ouais. 2017, l'album le mieux reçu et le plus optimiste. Parce qu'il s'appelle Optimiste. Puis arrive 2019, cette grande année, celle où sort Why Are You Laughing? Qui associe des vibrations gothiques, hypnotiques à des couches de guitare noircies, superposées à une voix atmosphérique, souvent onirique. Le groupe se compose de 6 membres, dont une chanteuse et 3 guitaristes. Et donc Gold, ça traite de la solitude, de l'amour et de l'absence de perspective. Et un EP de remix et 4 albums. Et en fait, effectivement, le dernier album parle a bien tous ressenti hypnotique, des couches de guitare noircies. T'as vraiment une vraie ambiance dans le dernier album que j'ai moins retrouvé dans les premiers, en fait. D'ailleurs, le premier m'a assez surpris parce que c'est presque un album pop. Donc vraiment très calme, genre pas guitare acoustique et voix, mais... Enfin, c'est pas dans l'idée des compos, c'est très très pop et ça se diversifie un peu. Les deux et troisième albums s'écoutent bien mais se ressemblent assez. Mais vraiment, enfin, ils sont dans la même continuité. Mais j'ai vraiment préféré moi le quatrième. Et par certains côtés, ça me faisait penser à un autre groupe qui ne passe pas à Hellfest, que j'aime bien mais que je n'arrive plus du tout à retrouver le nom. Je vais vous demander une petite minute. C'est assez compliqué avec toi, hein, parce que t'aimes tellement de choses différentes. Non, mais c'est parce que... Oui, alors, merci. Je prends ça comme un compliment. C'en est un. C'est un groupe que j'ai... jamais dit que t'écoutais que de la merde. Hein. C'est parce que c'est gentil. non, c'est un groupe, en plus, que je t'ai déjà conseillé plusieurs fois, mais ça m'a fait penser à ça. Je dis pas que c'est... c'est vraiment... Oh, ça va pas changer, c'est ça, maman. C'est toujours comme ça. C'est... il faudrait que... s'appelle ce groupe. Mais si, j'ai même acheté un CD avec toi. Interpol, merci. Voilà, ça me fait penser à Interpol un peu par certains côtés. Ouais. Donc ça me fait... Parce qu'il y a vraiment un côté ambiance où... c'est le dernier le plus intéressant et que je te conseillerais à toi d'écouter pour que tu aies un avis. Mmh. Parce que c'est vraiment celui qui propose les trucs... c'est vrai que quand il marque le côté ça traite de la solitude, de l'amour et de l'absence de perspective, ça me fait vraiment penser à ça. Ouah, putain, la vache. C'est un mélange qui va pas du tout ensemble. Est-ce qu'ils fournissent une corde avec le... Je pense. Ouais. C'est pas totalement dépressif, mais il y a un petit côté qui marche bien. Enfin, moi, ça me plaît bien. Du coup, ça va hyper bien se marier avec la vallée. Ça va être nickel. Et je me souviens que Psychroptique, c'est le groupe où ils avaient des costumes un peu de paintball et tout ça. De mémoire. J'avais bien aimé, mais sans plus, enfin vraiment sans plus. Du coup, je pense que je préférais aller voir Gold, sauf si Nova Twins me convainc, mais ouais. Je suis pas sûr. En tout cas, ouais, non, j'aurais tendance à recommander d'écouter ça parce que c'est agréable à écouter. Nova Twins, c'est pas le groupe des deux gonzesses, si, ouais, ouais, mais ouais, ça doit être un peu hip hop, je crois, un peu, ouais, ouais. Donc, bon, c'est ton truc, toi, hein. Pas... Bon, je suis pas hip hop, non, non, non. Bah, c'est pour ça, mais Gold, c'est plus mon délire, quoi, ouais. Donc voilà, je te conseille d'écouter un peu pour que tu te fasses une idée. Ouais, complètement. Mais voilà. Bah tu me donneras le nom de l'album. Très bien. Ça sera plus simple. Donc voilà, je pense, pour ma dernière chronique. J'ai pas grand chose à rajouter, hein, de plus. Ouais. Et toi d'autre? Bah non, moi j'ai pas écouté Gold. Hein. Très bien. Eh bien, c'est aussi à ça que servent les playlists. T'as pas écouté l'album, comme ça t'écoutes vite fait, tu te fais une petite idée. Ouais, mais moi j'aime pas me faire une petite idée. J'aime bien écouter un album. Oui, c'est bien connu ça. Très bien. Oh, et c'est qu'est-ce que je fais? Je te ferai dire, mon petit gars, même si je balance pas toute la semaine mes groupes, mais j'écoute les albums. Mais pourquoi tu... Mais c'est fou. Investigage, mec. Là, on est là, comme ça, le mec, on dirait qu'il l'a mal pris ça, mais je t'ai rien dit. Non, je l'ai pas mal pris, mais tu commences à continue pas mal le prendre. Régler tes comptes en direct du podcast. Ouais, ouais, ouais. Continue de Road to Hellfest. Continue de pas mal le prendre, crois-moi. C'est un conseil que je te donne, mec. T'es prêt pour le tirage au sort? Ok. C'est parti. Allez, je te remercie. Ah, je t'aime bien, quand même. T'as un fond sympa. Emma Roots Rundle. Ah merde, elle vient plus. Je l'ai pas enlevée, je peux pas. Tu l'as pas enlevée. Ah bah super, bravo. Je peux pas l'enlever. C'est dommage qu'elle vienne plus. Elle avait un nom sympa. Coil Guns. Bien sûr, Coil Guns. Alors, bien sûr. Coil Guns. Tu connais pas? C'est un groupe. Tu connais pas, moi j'y peux rien. Alors. Parce que tu connais? Non. Forcément. Mais je peux faire semblant. Ouais, t'as le droit. Hunter Shikari. Tu vois. Ça... Ah la vache. Alors. Hunter Shikari. Bah oui, on en a parlé tout à l'heure. Bah oui, c'est ça. Hunter Shikari. Hein? Hunter Shikari. Ah, Shime 69. Ah bah c'est pour toi ça. Un peu de punk. Ouais, c'est complètement pour toi ça. Je donne des coups de coude dans la table. Ouais, parce que c'est sympa. Parce que t'es en colère. Ouais. Sham 69. Très bien, très bien, très bien. Je te partage le doc d'ailleurs, on en parle. The Amsterdam Red Light District. Oh là là, c'est toi qui y a été. Ouais, bon, c'est pour moi. Donc, ouais, bah, c'est ça. C'est comme quoi, y a pas de hasard. Enfin, en même temps, j'y suis été aussi. Non, ça compte pas. Ouais, non. C'était pas pareil. Petit moment cocasse d'ailleurs dans cette rue. Oh, moult moments cocasse même, je dirais. Ah. Aïe. Toi, tu fais dans la cocasserie. Oh, moi, tu sais, moi, je suis un mec très coquet. J'ai des docs coquets. Richie Kotzen. Ah oui, si, ça doit être le mec, tu sais, qui pose un peu. Oh merde, c'est un poseur. Non, mais je pense que ça doit être, il va faire du peut-être du blues ou du... Il est tout seul, quoi. D'accord, et il pose un peu. Bah non, mais sur l'image, on voit que lui, donc ça doit être... Bah si c'est comme Popa Choubi, c'est pareil, on peut que voir que lui, en fait. Non, non, il est pas aussi gros. Ah. Bien que je n'ai rien. Popa Choubi, hein. J'aime beaucoup Popa Choubi. Il est sympa. Diadix. Ah ouais, pas mal, tu vas découvrir un vieux groupe, là. On l'a pas déjà fait? Non. Non, non, Diadix, non. Moi, je l'ai pas eu, en tout cas, c'est sûr. Et toi, je crois pas que tu l'as eu non plus. D'accord. Je pense que tu vois. De visu, si t'as un mec qui connaît un peu le... Ça me dit quelque chose pourtant. C'est un mec qui est un peu grimé comme le ouais. Joker. Ouais, j'ai vu ça, mais pour ça me dit quelque chose. C'est un groupe de punk, je crois, de mémoire. C'est du punk, c'est assez vieux, hein. Ça doit être début 80. On a pas fin 70, ça, début 80. Je confonds avec un autre groupe. Halligaron. Quoi donc? Halligaron. Ah oui, bah ça, je crois que c'est un groupe qui vient de sortir un truc ou qui est. D'accord. Je le vois un peu beaucoup tourner, Halligaron. D'accord, donc ça, c'était ton dernier groupe. Hein. Et mon dernier groupe. Eh, on est sur pas mal de nouveautés là. Hein. Enfin, de. Ouais, de choses que. Ouais. Pestilence. Eh ben écoute. Voilà. Tu vois. En espérant que ça se répande pas. Il est con. Du coup, je te partage le doc, mais les infos sont pas encore bonnes en dessous, hein, donc tu t'inquiètes D'accord. pas. Il n'y a que tes groupes. Je ne m'inquiète pas, je ne m'inquiète jamais. Voilà. Et bon, en tout cas, c'était l'épisode 18. Enfin, t'as peut-être autre chose à rajouter. Non. Non ? Non, non, ça fait plaisir. Eh ben, on est à quasiment 1h45, donc je pense qu'on peut arrêter. C'est ça. Donc, c'était l'épisode 18 de cette saison 3. On vous donne rendez-vous pour l'épisode 19, qui sera quand on l'aura décidé. Ouais, parce qu'on ne peut pas nous manipuler. Ouais. Nous, il n'y a pas d'embrouille. Ouais. C'est rien. Que entre nous, c'est tout. Oui, voilà. Ouais. Donc, et c'est ce qui maintient ce podcast debout. Exact. Donc, on vous souhaite à tous une très bonne semaine, une bonne fin de soirée, un très bon bain. Et une bonne paire d'espadrilles. Ouais. Sur le principe. Et donc un bon peignoir bien chaud et moelleux. Exactement, mais t'es trop sympa. Ouais. Donc on vous aime. Et on vous emmerde. Sabot de bois. Pas mal. Je pensais que t'allais finir là-dessus, mais non, très bien. Ok, très bien. Je te remercie, ça me fait plaisir. Ah, tu le tiens, tu le tiens. Ah, ouais.